Nous allons ouvrir sur cette partie sur un soleil hivernal qui se lève sur la ville de Toulon. Nous avons un vent frais venu de la mer qui s'infiltre à travers les différents quartiers de la ville, et aujourd'hui la majorité des pêcheurs se sont levés relativement tôt pour alimenter le marché de Port-Lagan. Thoric, de ton côté, toi tu es réveillé par la lumière du jour et le bruit des mouettes au loin, tandis qu'autour de toi tu vois des famulanciers en train de s'agiter et de faire leur lit de camp. Ils sont en train de remplacer les vieux draps par des draps propres. Tu vois les hommes et les femmes se raser, notamment le crâne et la barbe pour ceux qui en ont. Ainsi que tout désinfecter autour d'eux dans le dortoir. Ce qui donne d'ailleurs à ce dortoir une odeur assez particulière, une odeur de chimique très très propre que tu avais relativement oublié. Alors, en tout cas, que tu avais oublié parce que ça fait faire longtemps que t'es pas allé, par exemple, dans l'hôpital, plusieurs semaines. Pour te décrire, Thoric, en tout, pour l'instant, à l'intérieur du dortoir de l'orage, vous êtes environ, même un petit peu moins d'une dizaine. Clairement, ce que je disais, l'endroit fait assez pâle figure face aux imposants dortoirs du hôpital que tu as toi-même connu. Et ici, contrairement à là-bas, tu n'as plus de bureau. D'ailleurs, tandis que tu te lèves un petit peu dans la cohue et que tu vois certaines personnes te dévisager étrangement, parce qu'ils ne t'ont jamais vu ici, tu as le famulancier, Jacques, qui vient te voir et te dit « Docteur Cole, nous nous retrouvons tous les matins dans la cour intérieure de l'orage. Suivez-nous quand vous aurez fini. » À ce moment-là, il retourne à ses occupations. Tu acquiesces. Du coup, en effet, une fois que tu as fini de remettre tes affaires, pareil, de te raser pour être sûr que tu n'aies pas de barbe ni rien qui pousse, tu retrouves le reste du groupe à l'extérieur. Le reste du groupe, donc, d'hospitaliers. Pour rappel, du coup, l'hôpital de campagne de l'orage, c'est trois bâtiments carrés, même si l'un d'entre eux semble être coupé, avoir été isolé, mis de côté. Donc, le bâtiment principal dans lequel tu rentres, là où on s'occupe des patients, et le second sert au rez-de-chaussée, visiblement dans une sorte de dortoir, de réserve slash réfectoire. Puis à l'étage, les dortoirs pour ceux qui vont dormir ici. La seule personne pour l'instant que tu ne vois pas dans les dortoirs, c'est la vieille Ambre, qui sans doute, elle, dort dans son propre bureau ou dans une pièce aménagée à l'intérieur, quand même. C'est elle qui dirige le tout. Et d'ailleurs, en parlant de la vieille Ambre, elle est là, dehors, debout sur une petite estrade en bois, en train de monter un drapeau à l'effigie, en tout cas au symbole des hospitaliers, le long d'un grand poteau en acier qui surplombe l'orage. Le drapeau des hospitaliers donc levé et flotte fièrement au vent de la mer. Tout le monde se réunit, se met en rang, presque au garde à vous, et se tait. Vous n'entendez plus au loin que le bruit des vagues, également le bruit des navires qui doivent rentrer dans le port, les mouettes qui tournent autour de la ville, et peut-être quelques échos de voix par-ci par-là, mais tout se confond dans une espèce de brouhaha, tandis que sa voix, elle, malgré son âge, prend clairement l'ascendant là-dessus. Bonjour à toutes et à tous, hospitaliers. J'espère que ce sommeil de courte durée vous aura été profitable, car nous avons du pain sur la planche, si nous voulons maintenir cet édifice debout. Pour commencer, Docteur Sam et Docteur Sam, vous allez opérer toute la matinée le ferrailleur de la dernière fois. Je l'ai entendu gémir toute la nuit. Il faudra augmenter les doses de morphine. Vous voyez avec le pharmacien Gossen pour cela. Famulancier Jacques et Clara, vous allez vous occuper des malades à l'extérieur. Pour rappel, il y avait tout un tas de tentes qui avaient été installées à l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas assez de place à l'intérieur de l'hôpital, et du coup, certains malades sont allongés dans des lits de camp, dans des tentes. Tandis que moi et le nouveau, nous allons nous occuper de consulter ceux qui attendent à l'intérieur. À ce moment-là, elle te fait signe, Doric. Sinon, toujours aucune nouvelle du familier Pierre, et cela sera retenu sur sa solde, soyez-en sûr. Si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous parlais du nouveau d'ailleurs. Ainsi, tout le monde, je vous présente le docteur Cole. À ce moment-là, elle te pointe de là. Un Je fais un médecin de signe. terrain qui nous vient tout droit de Borka. C'est un homme habitué au front, alors ne vous fiez pas à son jeune âge. Ses compétences généralistes nous seront d'un vrai secours et un vrai plus dans notre équipe. Il nous épaulera au minimum 5 demi-journées par semaine, en moyenne. En tout cas, c'est ce que nous avons convenu avec l'hôpital, et je vous demanderai de faire preuve du plus grand respect possible envers lui, comme vous en avez l'habitude. Sachez d'ailleurs que Thomas aussi était un médecin terrain, et que c'est loin d'être le rang le moins exposé que notre profession. C'est peut-être même l'un des plus honorables, selon moi. Je sais pas qui est le Thomas dont elle parle. Torik, je vous laisse vous présenter plus en détail, si vous le souhaitez. À ce moment-là, elle te laisse monter à côté d'elle sur l'estrade. Tu la surplombes de moins à deux têtes, hein, c'est une petite dame. Eh bien, je suis ravi de faire partie de cet hôpital. Quand on m'a demandé de venir vous rejoindre ici à Toulon, je n'ai pas hésité. Je sais à quel point mes très chers frères hospitaliers, il est difficile de vivre dans le sud de la Franca et je suis ici pour essayer de vous apporter mon aide et, si cela est possible, de redorer le blason des hospitaliers. J'ai cru comprendre que ici les gens avaient tendance un petit peu à oublier que notre savoir-faire et nos compétences sont irréprochables et se tournent parfois pas sur vers des cultures un peu bizarres où on prêche à la fois les croyances de l'esprit avec des herbes de je ne sais pas où. Alors que l'enseignement et la technique est le plus important, selon moi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je ferai au mieux et soyez-en sûr, je donnerai le meilleur de moi-même. Très bien. À ce moment-là, tu vois les gens en face de toi, donc ils sont pas énormément, hein, sincèrement, mais semblent en moyenne relativement ravis. On sait que ça leur fera moins de tâches par personne à faire, et applaudissent, tandis que la vieille Ambre reprend la parole. Très bien, très bien. Je vous remercie. Hospitalier, hospitalière, vous avez maintenant, à ce moment-là, regarde sa montre, 15 minutes pour manger vos rations. Je vous laisse aller les chercher auprès de Gossen. Torik, vous allez occuper aujourd'hui le bureau de consultation numéro 3. Si vous pouviez vous occuper d'au moins 4 patients dans la matinée, cela nous aiderait énormément. Du coup, pendant le peu de temps mis à ta disposition, Torik, tu te rediriges au niveau donc du dortoir et reste donc cette fois-ci au rez-de-chaussée où se trouve le réfectoire qui est assez petit, hein, c'est une espèce de plus de couloir que de réfectoire avec les escaliers qui mènent à l'étage au bout. Ici, les hospitaliers attendent et presque comme dans une cantine scolaire, vont faire la queue avec des plateaux pour aller récupérer des ressources auprès du hospitalier Gossen qui garde la réserve. Donc le pharmacien Gossen, puisque les pharmaciens en hospital, en tout cas chez les hospitaliers, c'est simplement ceux qui gèrent la réserve en règle générale. Tu en profites donc d'ailleurs pour sympathiser avec tes nouveaux collègues, en tout cas faire la connaissance de certains d'entre eux. Pour commencer, tu rencontres le chirurgien Sam et sa femme, l'anesthésiste Sam, également, du même nom. Les deux s'occupent des opérations les plus délicates. Le chirurgien et l'anesthésiste chez l'hospitalier, c'est vraiment les deux rangs qui font la paire. C'est que l'un d'entre eux va s'occuper de gaver de médicaments le patient qui est assis sur la table, tandis que l'autre va lui ouvrir le ventre et faire ce qu'il a à faire. L'anesthésiste s'occupe aussi des autres malades en rétablissement, évidemment. En discutant avec Sam, donc, tu découvres un homme d'une quarantaine d'années avec un visage assez rond et un tempérament relativement calme. Et tu apprends que lui et l'anesthésiste Sam, qui à ce moment-là fait la queue pour aller récupérer sa ration, viennent de se marier. Un peu plus, il y a quelques que semaines, il n'y a pas longtemps. Sa femme, lorsqu'elle vient s'installer à votre table, tu remarques qu'elle est d'un tempérament un peu plus indélicat. D'ailleurs, tu l'entends même parler un peu avant qu'elle arrive, puisqu'elle semble donner des ordres un peu à tout va à tous les hospitaliers. C'est une des plus hauts rangs qui doit se trouver ici. Du coup, voilà, les hospitaliers qui seront trop proches ou qui auront tendance à ne pas respecter la moindre règle d'hygiène conventionnelle se fera réprimander instantanément, dans l'immédiat. Il lui manque presque plus que la règle pour taper sur les doigts. Malgré tout, elle n'a pas l'air non plus spécialement méchante, elle est juste assez sévère. Et en discutant avec elle, elle semble être quelqu'un de relativement normal. Viens ton tour d'aller chercher à manger, et cette fois-ci, tu fais donc la connaissance de Gosen. Gosen, lui, c'est un hospitalier un peu plus âgé, doit avoir la trentaine d'années en tout, avec un visage assez particulier, enfin, il a un nez assez proéminent. Des petits yeux un peu perçants et puis des oreilles assez grosses. Et lui, donc, te sert ta ration de survie matinale, puisque vous mangez ici des rations de survie. Vous n'avez vraiment pas le budget de manger mieux. Et donc, malgré tout, ce que je disais, il a l'air quand même assez sympathique. Il n'a pas l'air spécialement méchant. Mais tu remarques quand même qu'il est un peu lent. Hein. Quand tu lui parles, il n'a pas l'air très bien réveillé ce jour-là. D'ailleurs, ça a eu pour don d'agacer l'anesthésiste Sam lorsqu'elle est passée à son niveau, qui a pas manqué de taper un bon coup du poing sur la table pour nous le réveiller. Et ensuite, tu vas également parler avec deux, trois autres personnes, notamment le familancier Jacques, que tu avais déjà rencontré, ainsi que Clara Aubois, qui sont donc eux parmi deux des recrues de l'hôpital de campagne. Dis-le-moi si jamais je parle trop vite. Bah là pour l'instant ça va, j'ai tout le monde, Ok. donc j'ai bien vu le chirurgien Sam et l'anesthésiste Sam, donc sa femme. C'est ça. Du coup j'ai Gossen le pharmacien, Jacques et Clara Aubois, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. D'ailleurs, les deux familanciers, donc Jacques et Clara, sont à peu près les seuls de ton âge. Environ, ils doivent avoir chacun la vingtaine. Clara, t'as du mal à voir son visage parce qu'elle a deux grands, enfin une grande paire de lunettes qui Ouais. posait sur son nez. Tandis que Jacques, lui, par contre, oui, il a clairement à peu près le même âge que toi. Tu vois, il a un visage assez allongé, mais un sourire très charmeur. Et vous vous posez à peu près tous aux mêmes endroits et discutez un petit peu. D'ailleurs, est-ce que tu aurais des questions à leur poser? Sachant que du coup, les plus âgés sont un peu plus, on va dire, sans doute un peu plus d'expérience dans la ville, mais sont peut-être moins marrants et sympathiques, en tout cas en apparence, que les jeunes Jacques et Clara qui, eux, discutent joyeusement. Tandis qu'il mange. Bah déjà savoir pour le chirurgien et sa femme savoir depuis combien de temps est-ce que vous êtes enfin du hospital enfin ou et du moins depuis quand vous êtes ici en fait arrivé ici. Oh, eh bien, j'ai toujours été hospitalier. Je suis rentré dans les rangs très très jeune. Je suis franquien de base et j'ai rencontré ma chère et tendre à l'hôpital de Montpellier. Ensuite, on nous a proposé un poste ici. Nous savions que Toulon n'était pas très réputé, mais oh, nous pensions qu'il y avait quelque chose à jouer et que c'était peut-être un endroit un peu plus tranquille pour éventuellement se marier et. Oui, se marier et se poser un petit peu. À ce moment-là, elle semble avoir un avis un peu plus tranché. C'est surtout que nous sommes peut-être moins nombreux, mais vachement plus reconnus à Toulon que vous ne le serez nulle part autre. Plus vous êtes indispensable et plus on est reconnaissant envers vous. Et si jamais nous ne serions pas là pour tenir la ville, qui d'autre le ferait? Nous avons besoin d'une l'élite d'hospitaliers à nos côtés. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, tandis qu'elle te parle, tu remarques autour de son cou, alors qu'elle bouge un petit peu, voilà, une espèce de petite chaîne qui semble valdinguer. Alors, les chaînes, c'est assez rare chez les hospitaliers, mais celle-ci est encore plus particulière que ça, puisqu'au bout se trouve une croix anabaptiste. Ok. Si je puis me permettre, je veux pas être indiscret, hein, loin de moi ça, mais je remarque que vous avez une croix anabaptiste sur Votre chaîne, vous êtes... Oh, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas indiscret, te répond l'anesthésiste Sam. En réalité, même si nous sommes tous les deux nés du spital et que nous partageons évidemment tout ce qui va avec, tous les idéaux qui vont avec, nous avons toujours été très sensibles aux anabaptismes. Nous avons même très bien connu certains anabaptistes fut un temps. Et c'est une manière d'honorer leur mémoire et nous sommes relativement en accord avec leurs idéaux, tout ce qui touche à la néognose et au démiurge. Pour nous, la maladie est un mal qu'il faut combattre et disons que si nous n'avions pas été spitaliers, nous aurions sans doute été anabaptistes. Il va sans dire. Ok, d'accord. Écoutez, je comprends. Je comprends tout à fait. Et sinon, que pensez-vous de la ville en elle-même? Je viens d'arriver, donc je ne connais pas très bien ce qui, comment se structure et comment se dirige cette ville. Je crois, enfin, pour être honnête, je suis un peu perdu. Ça change Cela dépend. énormément de. Cela dépend ce que vous y cherchez, voyez-vous. Nous étions en quête d'un coin tranquille et il faut avouer que Port-la-Gagne est un endroit qui fait rêver. Nous mettons un peu d'argent de côté dans l'espoir de plus tard nous y acheter au moins une petite maison au niveau du port. Maintenant, certains quartiers sont peu recommandables. Les ferraillis sont le théâtre de nombreux accidents et de nombreux blessés. Les terre-putains, n'en parlons pas, là-bas, on ne compte pas les agressions et tous les travers qui peuvent aller à l'air, mais avec. Mais certains, comment dire, c'est au goût de certains. Gossen, le pharmacien Gossen, comment dire, ne s'en cache pas vraiment, mais il a tendance à. Une pie des environs, pour lui, ils sont même en couple depuis désormais plusieurs mois. C'est à son goût, même si nous sommes de l'avis que, à partir du moment où une notion monétaire rentre dans une relation, nous pouvons légitimement la remettre sa stabilité en question. Mais chacun a son avis, voyez-vous. Exactement. Sinon, il y a aussi Saint-Chenil, et là, vous déconseillons de vous y rendre. Nous aimerions bien faire des choses pour ces pauvres gens, malheureusement, nous n'avons que très peu de fonds et ils n'ont clairement pas les moyens de se payer nos soins. Nous ne pouvons pas nous permettre de dilapider ainsi nos médicaments. Alors, ils récoltent des dons et nous achètent des caisses que nous leur vendons au prix le plus bas possible. Nous ne faisons aucun bénéfice et c'est le mieux que l'on puisse faire. Mais pour ma part, je vais être complètement honnête avec vous, je ne suis pas venu seul, hein, je suis venu avec des amis avec qui je trace la route, comme on dit. J'ai beaucoup fait de missions avec eux, notamment une anabaptiste qui est aujourd'hui Oh. fureur. Et. Je suis accompagné également d'un juge, d'un jeune juge qui, je pense, est très prometteur et va vite monter dans la hiérarchie. Et un chronique, bon, toujours un peu mystérieux, ces Décidément, on dirait que chroniqueurs, le mais rectorat s'est envie là. oui. Et d'ailleurs, ils sont sur Toulon en ce moment et ils sont du coup à Saint, je sais plus quoi. Saint, À la sacristie rouge. oui, à la sacristie ou au Saint-Chenil, quartier Saint-Chenil. Alors, je me permets de te reprendre, mais le quartier, c'est pas Saint-Genil, vous êtes à la frontière, mais vous n'êtes pas à Saint-Genil, vous êtes encore à Port-la-Gagne. Ah, mais la sacristie, elle est pas à Saint-Chenil? Non, elle est Ah à non, je Port-la-Gagne. ouais. Il y a une autre chapelle qui est à la Saint-Genil, mais c'est celle du Jemeton. Ah oui, d'accord. Autant pour moi. Donc je me suis trompé. Enfin, en tout cas, voilà, pour la gagne, la petite sacristie. Mais bon, on va essayer. Enfin, on voudrait quand même essayer de redorer un peu le blason du protectorat par ici et remettre au premier plan Une bonne chose. l'hôpital et les anabaptistes. C'est une bonne chose. Qui sait, peut-être que les Néolibiens nous donneront des fonds supplémentaires pour les aider s'ils se rendent compte que nous pourrions simplement cohabiter et coopérer entre nous. Tout à fait, tout à fait. On nous a prévenu en effet que vous seriez présent seulement par intérim à l'intérieur de l'hôpital de l'Orage, mais un médecin de terrain sera toujours un atout, même à mi-temps. D'ailleurs, nos Effectivement. 15 minutes sont écoulées, je propose que nous rejoignions nos postes Tout le à plus fait. vite, sinon la vieille Ambre. Oh, vous ne voulez pas l'avoir en colère. Non, vous avez Voilà, raison. il se redresse, vous allez déposer vos affaires auprès de Gossen et vous vous dirigez. Vous retraversez donc la mini-cour qui relie les deux bâtiments et qui est fermée par des murs, hein, donc il n'y a aucun moyen, un autre moyen de s'y rendre, hein, à part le bâtiment principal. Et à l'intérieur, tu rejoins ton petit bureau qui est assez à l'étroit, hein. Surtout comparé à celui que tu avais à l'hôpital, mais tu as un lit sur lequel tu peux installer une personne. Tu peux y entreposer quelques affaires et tu sens même avoir les restes d'une machine qui bon, ne marche pas vraiment, mais elle a le mérite d'être là. Au loin, tandis que tu t'assois et que tu observes par la fenêtre, tu entends les bruits des cargos qui entrent dans le port et commencent à faire venir les personnes que tu dois consulter. La première qui rentre à l'intérieur et à l'intérieur de ton bureau, est un ferrailleur porté par deux de ses collègues, puisque ses jambes ont été complètement brisées. Tu l'allonges dans le lit d'hôpital, et je sais pas si le lit d'hôpital est le terme, parce que c'est quelque chose de très basique, hein. C'est pas un lit avec je sais pas quoi, qui se redresse en appuyant sur un bouton ou avec des perfusions nées, hein. C'est juste un vieux lit qui a été installé, plus un lit Oui, c'est un militaire, quoi que lit. chose, hein. Ah Ouais. ouais. Et tu vois lui, alors il semble vraiment avoir mal, hein. Il sort de douleur, il a sans doute pris des médicaments, mais c'est peut-être pas suffisant. Il dit Docteur, c'est horrible, c'est toute ma vie qui s'écroule. Hein. Il te raconte comment est-ce qu'il s'est fait ça. C'est un énorme câble du module. En plein milieu des ferrailles, il s'est décroché et d'un seul coup a balayé de plein fouet le passage et j'étais en plein milieu. D'un seul coup, il m'a frappé en plein dans les jambes et depuis, je suis incapable de marcher. Je crois que c'est cassé, j'en sais rien. Je veux dire, ce travail, c'est toute ma vie. Si jamais je peux jamais remarcher, je vais finir à Saint-Chenil sans travail. Écoutez, calmez-vous Il y a quelque déjà. chose dont je suis. Je vais regarder. Laissez-moi un peu inspecter tout ça et regarder ce que je peux faire. Dis-moi. Je vais te demander un jet d'intelligence plus médecine avec une difficulté de 4, parce qu'il a quand même les jambes brisées, ça se soigne pas comme ça. Ça, du coup, tiens, première chose que Si jamais tu je veux, vais pour faire. égo, jusqu'à 3 pour gagner un bonus lors de ton jet. Si jamais tu voulais vraiment Bon, après t'impliquer intelligence émotionnellement. médecine, 7D, bon, Ok. ça devrait quand même. Voilà, je vais pas. C'est pas un cas de force majeure. Je suis pas venu le sauver lui, c'est pas ma mission. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Ça commence mal. Ça commence très mal. Et ben, ça commence très mal. Je suis pas acclimaté. À la ville pour l'instant, puisque j'ai deux petites têtes qui ne sont pas très sympathiques. Ah, t'as fait un échec critique, t'as pas de réussite? J'ai une réussite, mais j'ai une réussite qui est un déclencheur, mais je n'ai pas Ah, autre malheureusement, chose. c'est un échec critique. Du coup, tu tentes de faire le nécessaire pour lui sauver ses jambes. Tu commences par placer évidemment une espèce d'attelle à son niveau et tu lui prescris également des béquilles s'il a les moyens de se les payer. D'ailleurs, par rapport au financement, on t'a expliqué très rapidement, j'ai pas plus détaillé que ça, mais je pourrais. Les gens payent pour entrer à l'intérieur, donc de l'hôpital, et ils payent également si jamais on arrive à les soigner. En fait, y a un peu tu payes la consultation et tu payes les soins derrière, mais les soins, tu les payes en fait directement à ton médecin qui lui le garde en termes de prime ou de solde. Après, il y a des arrangements qui sont avec la vieille Ambre, mais pour l'instant, c'est pas tout. Du coup, donc voilà, si jamais il a l'argent, tu lui proposes de s'occuper de ça. D'ailleurs, et tu tentes également de lui insérer une tige de métal à l'intérieur de la jambe pour relier certaines parties qui auraient pu être détachées. C'est une opération qui est assez compliquée, tu lui donnes quelques médicaments à prendre, évidemment. Et malheureusement, ton bras mécanique, qu'il ne voit pas parce qu'il est caché sous ta tenue, déconne et tu sembles faire un faux mouvement. À ce moment-là, tu l'entends se tordre de douleur et hurler comme pas possible. Puis tomber dans les pommes. Oh merde! Bon, tu sais que malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On peut pas sauver tout le monde, mais là, ouais, tu te sens pas bien du tout. C'est ton premier patient de la journée. Je pense que sans doute il pourra plus jamais remarcher de sa vie. Malheureusement, là, a priori pour lui, c'est foutu. Malgré tout, il a peut-être une petite chance. Et bon, tu dis au cas où, on va quand même le déposer dans les chambres où on dépose les patients. Donc c'est le regard morose que tu demandes à la femme ancienne Clara Aubois de déplacer son corps inerte, tandis que ton second client arrive juste derrière, en tout cas ta seconde cliente, avec le teint complètement pâle, surtout en voyant celui d'avant. Elle s'assoit à ton bureau et tu vois donc c'est une jeune femme, un peu moins de la trentaine, qui est assez belle, blonde, avec des cheveux coupés courts. Et un corps recouvert de tatouages. Elle en a dans le cou, elle en a sur le visage. Et elle t'explique assez rapidement qu'en réalité, elle est une pie. Et que malheureusement, elle aurait besoin de se faire avorter. L'opération va lui coûter tous ses dinars. Et c'est presque les larmes aux yeux qu'elle s'assoit au niveau de ton bureau, tandis qu'elle t'explique tout ça. Tu sais faire, toi, de formation, un avortement. Et tu peux tenter de t'en occuper si tu veux. Bon, pareil, je vais pas décrire toutes les étapes, surtout que c'est une scène qui est peut-être un petit peu dure. Mais je peux te proposer, pareil, un jet d'intelligence plus médecine avec une difficulté de 4. Tu as toujours le droit de dépenser jusqu'à 4 points d'ego. Jusqu'à 3 points d'ego. Allez, pour la route, je vais en dépenser un, parce que ça a été un échec Très bien. cuisant tout à l'heure. Et j'en ai fait quelques-uns derrière et c'était tout aussi cuisant juste pour voir. Donc on va voir ce qui se passe. Voilà, et bien sûr. Eh bien, hop, 1, 2, 3. Alors, 4 succès. Et alors, je pense avoir bien fait, puisque de l'autre côté, j'avais 3 têtes de mort. En effet, t'aurais fait un deuxième échec critique, mais vu que le jet réussi, ce n'est pas le cas. Je vais passer les détails de l'opération parce que c'est pas forcément le genre de truc que j'ai envie de décrire, mais sache que ça se passe relativement bien et qu'elle te remerciera énormément de ce que tu as fait pour elle. En échange, pour te remercier, elle te donnera la modique somme de 10 dinars. Que tu peux ajouter ta fiche. Tu peux les écrire dans le chat sous ton personnage, comme ça Ouais, mais on je les les note, actualisera. je les note là Très bien. sur mon Ah, bon, voilà, carré. parfait. Parfait, parfait. Ok. Il a dit, il est vrai que Et voilà, bien, ensuite. c'est mon premier jour à Toulon, Ouais. dans un établissement que je connais pas. Ouais, bien sûr. Voilà, je me remets doucement Non, et puis de mon le cuir. ferrailleur était sans doute déjà foutu de base, hein. Ses jambes étaient brisées, malheureusement, c'est très compliqué de s'en remettre d'une telle opération. Il n'aurait clairement pas pu travailler jusqu'à la fin de ses jours. La troisième personne qui te Alors, rejoint est d'ailleurs un autre ferrailleur. Lui est couvert de suie, et pareil, je vais faire la description un petit peu rapide pour qu'on aille un peu plus vite. Il se plaint de tousser du sang depuis quelques semaines. Alors bon. Il s'est finalement là, décidé, vu que ça persiste, à revendre sa piaule contre un rendez-vous à l'orage. Il t'explique j'ai bien tenté d'aller voir les Anubiens, hein, mais ces escrocs, ils m'ont pris 2 mois de travail, et j'ai toujours le même problème. Ouais. Du coup, De son côté, tu peux tenter de t'occuper de lui avec un jet d'intelligence médecine avec une difficulté seulement de 3. C'est moins grave qu'une opération. Bon, bah écoute, on va faire sans l'ego là, ceci, hein, on va espérer que tout se passe bien. Magie. Eh ben, c'est beaucoup mieux. Donc, 4 succès, dont un déclencheur. En effet, tu comprends assez rapidement ce qui va pas avec lui, donc tu lui fais la consultation habituelle. Et tu comprends qu'il est en train de s'intoxiquer en fait sur son lieu de travail. sans doute à cause de la vapeur, ou plutôt de la fumée et des particules qui doit absorber, ça l'empoisonne petit à petit. Alors tu leur recommandes de se maintenir à l'écart des machines quelque temps, et surtout de consommer de l'eau de meilleure qualité, parce que tu sais que celle des Faraïs, elle est sans doute pas très très claire. Je tiens quand même à lui dire, avant qu'il s'en aille, que comme, de la même manière que les Anubiens ont un loin quelque peu extorqué son argent, alors qu'il serait venu nous voir très vite, il aurait pu déjà être pris en charge et guéri. Ça, donc que la prochaine fois, qu'il n'hésite pas à passer d'abord voir l'hospitalier et qu'il fasse passer le message autour de lui que voilà, on est, je pense, qu'on est plus capable de résoudre des problèmes de santé que les Anubiens avec leur truc farfelu. Enfin bref. Voilà. J'ai note, y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup. Du coup, tu lui prescris également quelques cachets contre la toux que tu vas toi-même chercher à la réserve, où tu tombes sur le fameux pharmacien Gossem, d'ailleurs en plein sommeil. Tu es obligé de le réveiller un bon coup pour qu'il aille chercher les médicaments en question. Et lorsque tu retourneras voir ton ferrailleur, il te donnera également 10 dinars pour te remercier, en plus de ce qu'il rembourse les cachets. Donc en tout, il donne une vingtaine de dinars. Eh bien, c'est gentil. On t'avait, la vieille Anne t'avait demandé de t'occuper au moins de 4 patients, et t'en es déjà à 3. Tu fais donc venir le quatrième, en disant que juste après, là, c'est encore le matin, tu pourras te rendre voir les autres à la sacristie. D'accord. Le quatrième, lui, il est un peu plus étrange que les autres. C'est un personnage hein, assez petit, un type qui doit avoir un peu plus de la trentaine peut-être, et qui t'a fait bonjour, monsieur l'hospitalier. Bonjour. Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. J'ai, comment dire, mal au ventre, très très très très mal. Bon, alors tu décides de l'ausculter et je vais te demander cette fois-ci un jet d'intelligence médecine avec une difficulté de 2. Quatre succès. Quatre succès. Alors très rapidement, tandis que tu le sculptes, tu réalises que il souffre absolument de rien du tout. Alors tu sais pas trop de ce qu'il a, mais en tout cas il y a rien de grave très clairement. Donc tu le dis que c'est peut-être simplement une indigestion ou quelque chose comme ça, et que la douleur devrait passer rapidement et surtout de revenir te voir si jamais ça persiste. Mais pour l'instant bon, rien, pas besoin de s'inquiéter, pas besoin de s'occuper de lui. Au pire, non mais genre, au pire je lui prescris genre une tisane pour faire un peu placebo si c'est quelqu'un d'anxieux que ça lui donne une illusion de d'avoir eu un traitement voilà quoi. Ah, tu vois il te remercie fortement, il te fait merci monsieur l'hospitalier, vous êtes absolument adorable, voilà pour vous. Il y a ces mots, il te sort 25 dinars qu'il te pose sur la table, puis s'en va et te dit à très vite. À très vite, bonne journée à vous. La porte se referme et bon bah tu dis que a priori pour toi il est temps de pouvoir retourner voir le reste du groupe à la sacristie puisque t'es pas obligé de rester là 24 heures sur 24. D'ailleurs en parallèle nous allons voir comment ça se passe à la sacristie. Donc ça se passe, ce qui va se passer là se passe en même temps que ce que on vient de voir. Parfait. À la sacristie ce matin, vous, ça se passe bien différemment que dans ce côté très militaire, carré du hôpital. Pour commencer, vous êtes à peu près tous réveillés par Lito, en train de beugler sur l'orgastique et la sette. Notamment toi, Mokosh, qui est dans la salle d'à côté, t'entends quelques phrases partir à droite à gauche du genre « Et vous me virez ces merdes dehors ou c'est moi qui vous vire ?»« À vos ordres, monsieur. On dit fureur, pas monsieur !» Et alors que vous vous levez, vous arpentez pardon, les restes poussiéreux de la sacristie, tandis que vous sentez l'air marin porter à vos narines l'odeur des poissons en provenance du marché. D'ailleurs, vous, c'est pas du tout du poisson que vous allez manger, puisque ce matin, on vous a préparé une espèce de bouillie avec quelques racines et sans doute des morceaux de pommes de terre. Enfin, bon. Pléonasme. Vous vous installez donc Flux, Jacquard et Moncoche pour manger à tout cela. Un peu plus tard, enfin un peu plus tard, genre quelques minutes plus tard, si vous souhaitez discuter de certaines choses en particulier, Lito viendra vous proposer de faire un tour au marché pour acheter de vrais trucs pour se requinquer. Et d'ailleurs, Jacquard, toi, Lito, donc, il passe sa main dans sa barbe blanche comme ça et te regarde, dit, dis-moi, il paraît que tu rechercherais des poissonnières avec qui t'aimerais parler. Ouais. Que ça aurait à faire avec les gens que tu devrais retrouver Bah écoute, si tu veux, je vais aller sur le marché, donc si jamais tu veux m'accompagner, on pourrait peut-être aller leur parler ensemble. Ça t'intéresse, sinon tu peux toujours y aller plus tard. Eh bien, Les vieilles je ne sais poissonnières, ça doit pas. couvrir les rues. Je pensais peut-être essayer. Enfin, j'aimerais voir ce que fait Flux avant si ça ne te gêne pas. Y a pas de souci. Je prépare mes On peut se affaires. voyager maintenant, après tout ce voyage. Moi, de mon côté, la matinée va être plutôt décidée parce que je vais aller voir le géomètre qui réside à Saint-Chenil. Hein. C'est plutôt important et j'ai rien de spécial à faire sur le marché à l'heure actuelle. Hein. Il faudrait prendre un peu la température de ce qui se passe là-bas. Très bien, de ton côté, Flux, tu proposes de te rendre à Saint-Chenil ce matin. Mokosh, qu'est-ce que tu souhaites faire, toi? Bien, j'imagine que je vais suivre Efflux parce que j'ai rien de spécial à faire de toute manière. Tu es sûr que c'est une bonne idée d'avoir une personne ouvertement hostile envers les géométhanes à la première rencontre? Je peux, si tu veux, je reste là, mais je peux ne pas être hostile. Il y a aussi Comment le ça fait que je marche? suis capable pour être hostile. Je ne sais pas comment juger la chose. Hein. Que ce soit toi ou Jacquard, hein, mais vous avez des opinions assez négatives déjà à Métal. Hein. Et si j'arrive à faire, enfin, si on arrive à faire quelque chose de caritatif avec cette personne, ce serait peut-être bien de ne pas commencer à arriver avec des éléments qui pourraient le mettre en rogne, quoi. Oui, je sais peut-être, mais Flux, je n'ai que faire de tes objectifs. J'ai personnellement une personne à interroger dans cet endroit. Je ne sais pas encore si j'accompagne Lito au marché ou si je t'accompagne, mais j'ai quelqu'un à aller voir dans cet hospice. Je peux aller le voir, juste ne pas intervenir à la Bon, bah, moi je me retire alors en tout cas, je vais sûrement aller au marché avec Lito ou alors juste m'occuper moi de la du bâtiment et de nos deux anabaptistes. Eh bien, je ne sais pas ce que je fais. Eh bien, allez, je vais t'accompagner, Lito, finalement. Et moi, je vais vous accompagner. Très bien. En plus, c'est Mokosh qui a l'argent, ça tombe bien. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je retire de mon pistolet 500 lettres de change et je les donne du coup, puisqu'il reste quelques jours avant la fin du mois, si j'ai bien compté. Ou alors c'est l'inverse, je ne sais pas. J'ai pas Il en reste compris. une vingtaine normalement. Ouais. Bah, de toute façon, autant qu'on les retire et qu'on les a sur nous. Du coup, ouais, je vais retirer 500 lettres de change, comme ça c'est sûr qu'on les a, et on va les. Je vais demander à l'un des deux de les convertir en dinars. Et ça sera notre argent pour le mois, pour tous les plans et tout le reste, quoi. Et on les divisera entre nous, sauf pour Mokosh qui a déjà une bonne base d'argent, donc tu peux t'en sortir sans. Ouais, on est C'est vrai d'accord. que pour information, peut-être que c'était pas clair, le compteur au niveau de l'argent, c'est un compte à rebours et pas un. Oui, Bon, c'est sur le pas. sujet. Quoi qu'il en soit, ça change pas tant que chose. Vrai que c'est pas forcément très très clair. Mais voilà, du coup, voilà, je retire une bonne grosse partie et ça sera notre budget au mois qu'on aura sur nous. Comme ça, on se divise. Comme ça, si jamais, comme ce matin, on fait des opérations divisées, tout le monde peut, au besoin, utiliser des dinars dans le futur. Parfait, parfait. Très bien, du coup, de votre côté, Jacquard, Mokosh et Lito, vous vous dirigez en direction du marché de Port-Lagan. Le marché, une fois animé, vraiment à cette heure-là où il y a beaucoup de monde, C'est vraiment le cliché ambiant du marché aux poissons, où ça gueule dans tous les sens, ça sent mauvais, ça sent la mer, ça sent les algues. On vous propose du coup de tout, du poisson, des huîtres, des moules, même de la mouette à certains endroits. Vous avez une sacrée foule, sans doute le plus gros marché de la ville après l'Axe d'Argent. Une foule beaucoup plus populaire, hein, évidemment, donc composée du coup de pêcheurs, de gens normaux, beaucoup de Toulonnais que vous reconnaissez pour la plupart leurs tatouages et certains d'autres simplement leurs dégaines, vous comprenez qu'ils en font partie. Tandis qu'à côté, vous avez également des membres de la milice populaire, donc la milice de la résistance, qui patrouillent et s'assurent que tout se passe bien. De temps en temps, lorsqu'il y a un litige, que certaines personnes s'engueulent sur un prix ou une histoire de concurrence déloyale, ils interviennent gentiment et pacifiquement, malgré leurs fusils qui présageraient plutôt une certaine hostilité, pour que tout s'occupe, pour que tout se passe bien, pardon. Vous pouvez avoir l'air un peu dévisagé de votre côté, Mokosh et Lito, parce que c'est rare qu'on voit des anabaptistes de ce rang ici, mais pas tant que ça, puisqu'on pourrait simplement imaginer que vous êtes de passage. Et que la nouvelle du feu devant la sacristie commence à se répandre. Donc, vous avez pas autant, vous attisez pas autant les regards que de ton côté, Jacquard. Toi, le juge, surtout avec ta jambe et ton bras, tu en imposes. Hein. Les gens s'écartent lorsque tu traverses le marché. Et vous finissez par, derrière, un peu excentré de l'avenue principale. Trouver la fameuse étale avec les trois passionnaires, trois poissonnières, pardon, qui sont trois vieilles femmes. Trois vieilles femmes. Elles doivent avoir entre 60 et 70 ans, donc c'est pas non plus. C'est pas des fossiles, mais voilà, c'est des personnes âgées, plus âgées que la moyenne en tout cas dans Genesis. Ça c'est sûr, les gens passent rarement la cinquantaine. Que ce soit mort de maladie ou alors tué, ou. Simplement de mort naturelle quand tu ne nourris pas très très bien, voilà, ça réduit ton espérance de vie. Il paraît que la brûlure joue aussi, mais les apocalyptiques ont parfaitement démenti cette information. Lorsque vous vous approchez, l'une d'entre elles se place au centre et vous fait bien le bonjour, Anabaptiste et Monsieur le Juge. Alors, l'odeur du thon et la chair de la sole vous aura attiré jusqu'à notre étal. Qu'est-ce qui vous intéresse? Je vois que de leur côté, en effet, sur leur, enfin, vous voyez sur leur étal, elles ont installé déjà beaucoup de sel en fait sur lequel elles ont posé des tas de poissons. Certains sont coupés en morceaux. Vous avez même quelques morceaux disposés sur le côté dans lesquels vous pouvez piocher pour goûter. Il n'y en a pas beaucoup parce que la nourriture c'est cher, mais vous pouvez apprécier ce petit détail. Et derrière elle, vous voyez plusieurs tonneaux qui sont sans doute également remplis à ras-bord de sel et de poisson. À côté, elle semble vendre également quelques petits légumes qui sont dispersés tout autour, mais qui sont plus en accompagnement qu'en réel objet de vente. Vous venez pas pour leur acheter leurs pommes de terre, vous achetez du poisson et vous avez des morceaux de patates à côté. On voudrait des maquereaux. Et des sardines. Très bien, pour combien? À ce moment-là, lui, Lito, pour la semaine, pour 5-6 personnes. Eh bien, d'accord, on peut vous vendre quelques tonneaux si vous le souhaitez. À ce rythme-là, vous pouvez les rouler vous-même jusqu'à la sacrée. Juste derrière. En effet, la silhouette de la sacristie est visible depuis le port, vu qu'elle est pareil, elle-même un peu excentrée. Eh bien, vous en aurez pour 300 dinars environ. Ok, je vois à vos têtes que ça semble pas vous plaire. On peut descendre à 280 si vous souhaitez, mais pas plus, hein. À ce moment-là, il y en a une sur le côté qui se met à parler. Et si c'est trop cher, vous avez qu'à aller faire vos courses dans les terres putains hein, ou aux ferrailles. Hein. Si vous n'avez pas apprécié la bonne viande. La première à prendre la parole. On va Oui, allez-y. réfléchir, on revient dans Pas un de soucis, on instant. ne bouge pas. Mokoche, de ton côté, tu dis quelque chose? Non, moi je suis venu pour accompagner. Techniquement, je suis rien venu pour acheter quoi que ce soit. Ok, très bien. Je sers juste de porte-monnaie et il me semblait que Jacquard était là surtout pour des informations plus que pour acheter du poisson, mais pourquoi pas. À ce moment-là, Lito, lui, il se pose et bon. Enfin, il se pose, il s'arrête, je veux dire, tandis que vous étiez un peu éloigné quelques pas. Moi, j'étais surtout parti là pour le poisson. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On cherche moins cher ailleurs, on va faire du change et on vient les voir. Vous C'est-à-dire voulez que, pas leur poser des questions, toi? pour être honnête, c'est vrai que moi j'ai cette histoire de poissonnière, mais j'ai pas grand-chose dessus, à part que j'ai une histoire de poissonnière que les cheveux grisonnants. Mais bon, donc du coup, on a pas les fonds pour la semaine, c'est ce que j'ai compris. Pour acheter de la Non, nourriture pour la semaine. on pourrait avoir, Ça a l'air un peu cher ici. Après, si vous me laissez du change, je pourrais peut-être m'arranger. Je suis plutôt bon négociateur. Je propose que l'on passe à Flux. Flux, toi, tu décides de traverser Saint-Chenil en direction de Sacré-Amiel. Vous pouvez regarder sur la carte, du coup, la position. C'est le numéro 34, donc à Sacré-Amiel. C'est relativement à l'entrée de Saint-Chenil. Donc, t'as pas trop à t'y enfoncer pour trouver. Et heureusement, puisque l'endroit est en effet assez impressionnant. Il faut imaginer ces espèces de grandes ruelles très sombres et mal famées. De part et autre du quartier, tu as de petites chapelles anabaptistes restées vides visiblement depuis l'Exode, ou qui doivent abriter des sans-abri et des malades qui te regardent avec des regards moroses derrière des vitres complètement sales. Tu vois également des croix en fonte, donc des croix anabaptistes qui ont été sciées, et cette fois-ci des croix mais à 8 branches, donc celles des hospitaliers, qui avaient visiblement été peintes sur les murs, qui sont en train de s'effriter avec le temps. Les habitants de Saint-Chenil, visiblement, n'y restent que parce qu'ils n'ont nulle part d'autre pour aller, en fait. Tu vois dans les rues des orphelins qui survivent au milieu d'épaves, de véritables épaves humaines, de ferrailleurs invalides, de malades, d'aveugles. Également des brûlés si infestés de spores, tu les vois à leurs yeux, à leurs regards, à leur démarche, qui feraient sans doute exploser le mollusque torique si jamais ils mettaient les pieds. Clairement, ici, on ne trouve que des âmes en perdition qui se nourrissent des détritus des canaux de Port-Lagagne. Tu les vois accroupis, en train de ramasser tout ce qu'ils peuvent trouver, qui soit ça coule le long du trottoir, soit ça semble sortir des égouts, et une espèce de morceau de chair qui ramasse et qui se partage. Tu vois également des enfants écraser des lézards avec des pierres pour ensuite ronger la chair sans même la faire chauffer ni quoi que ce soit. Cet endroit, c'est sans doute l'endroit le plus miséreux que tu aies jamais vu de ta vie. Du coup, vois également sur le côté à droite à gauche, tandis que tu te rapproches de ce qui semble être le fameux Sacré-Amiel, puisque tu vois cette espèce de grande chapelle délabrée au loin, qui elle semble vachement plus habitée que celle que tu avais croisée jusque-là, des gens qui sont en fait en train d'essayer de survivre à l'hiver. C'est qu'ici il n'y a pas d'électricité, ça semble pas être chauffé, il semble avoir quelques feux allumés à droite à gauche. Tu sembles également pouvoir distinguer ce qui pourrait être des nuées apocalyptiques, peut-être 2-3 bordels aussi. Mais tu files droit, t'essaies de pas trop t'arrêter, t'aimerais éviter de finir dans un guet-apens. Et arrive finalement jusqu'aux portes de la chapelle. Au loin, tu observes également une colline du haut duquel semble se dresser l'orphelinat dont on vous avait parlé. Mais du coup, la chapelle, tandis que t'en approches, c'est un lieu complètement délabré au style purgant. Tu reconnais un petit peu l'architecture de Lucatore quand tu t'y étais rendu. Elle est massive et bâtie en pierre noire. Elle se trouve donc voilà en plein milieu de Saint-Chenil et tu découvres des fenêtres noircies de suie qui flanquent une entrée principale et qui semblent rappeler un peu l'espèce les orbites vides d'un crâne que tu aurais comme ça face à toi. Ça en dit long sur l'ambiance qui prône à l'intérieur. La chapelle, en effet, lorsque tu commences à faire quelques pas, est extrêmement silencieuse. À l'intérieur, simplement, tu vois des gens qui sont installés sur des espèces de lits de mousse et de paille. Ils sont plusieurs centaines. Des miséreux qui te regardent passer sans un bruit tandis que tu rentres à l'intérieur. Certains d'entre eux, tous, sont complètement malades. Tu vois des invalides, des ferrailleurs sans abri, des gens qui peuvent à peine marcher, à certains endroits même, visiblement, des familles entières avec des enfants, beaucoup de vieillards, peut-être de vieux apocalyptiques aussi, qui auront été jetés de leur nuée. Puis, un peu plus au loin, une espèce de petit foyer, d'où provient la seule source lumineuse de l'intérieur de la chapelle, puisque en fait tous les vitraux sont complètement couverts de suie. À ce niveau-là, tu vois une espèce de marmite et un feu avec quelqu'un en train de mélanger à l'intérieur et de servir des petits gobelets en ferraille ou en bois troués. Les gens qui viennent se servir à tour de rôle flanquent leurs mains sous les réceptacles pour éviter d'en renverser partout et se dirigent à toute hâte jusqu'à leur place. On semble avoir dégagé la plupart des bancs, ou en tout cas les avoir collés au mur pour que les gens puissent s'allonger dessus ou en dessous, et simplement boivent leur seul repas chaud de la journée. Un grand silence donc, chacun de tes pas résonne en un espèce d'écho, t'entends une espèce de brouhaha, de murmure tout autour de toi. Ça va faire sans doute des dizaines et des dizaines d'années qu'ils n'ont pas vu de chroniqueur. La plupart d'ailleurs n'en ont sans doute jamais vu. Au niveau de la grande marmite dont je te parlais, un GM Ethan, avec une longue barbe et des cheveux tressés en arrière, lève la tête tandis que tu arrives à son niveau. J'imagine que ce n'est pas pour manger également que vous nous avez rendu visite aujourd'hui, chroniqueur. Non, en effet. Il parle, il continue de servir les gens pour la queue. Eh bien... Jamethan, laissez-moi me présenter, je m'appelle Flux. Puis-je demander votre nom ? Adonai. Très bien, Adonai. J'ai eu vent très rapidement de ta présence ici, malheureusement seul. J'aimerais voir un peu ce qui est possible... pour t'aider, voir un peu l'état des lieux. Je suis présent dans la ville uniquement pour accompagner des amis qui ont affaire. Et si je peux utiliser de mon temps pour aider ceux qui en ont besoin, et ils en ont besoin, je serais ravi de pouvoir te prêter main forte. Il ne me semble pas que ce soit... une habitude chez les chroniqueurs que de faire les choses gratuitement. Alors, soit vous allez exiger quelque chose en contrepartie, soit vous me mentez. Bien. Vous semblez être bien loin du protectorat pour vous inquiéter de miséreux comme ces pauvres gens qui ont été abandonnés depuis aussi longtemps. À ce moment-là, il sert un gobelet, un mutilé qui n'a plus aucun bras, c'est la personne derrière qui lui tend son assiette jusqu'à la bouche. Vous avez raison que, comme n'importe qui, j'ai envie de dire, nous aimons travailler en ayant un retour derrière, mais ici c'est différent. Je compte aller sur une autre activité pour tout simplement avoir des bénéfices. Non, mon geste ici est sans intérêt derrière, hein, si ce n'est celle de pouvoir apporter de l'aide. Je vous le cacherai pas que... effectivement, ça me sera bénéfique en soi, si on peut dire ça comme ça, parce que ça reste toujours positif de bien se faire voir dans une ville, quoique je ne suis pas sûr qu'ici, ça, à part les concernés, ça aide grand monde. Mais non, je vous demanderai rien. Je n'ai pas plus d'intérêt que ça. Si je voudrais juste bien me faire voir, je pourrais aller voir des néo-libyens. Mon geste est avant tout philanthrope, si vous préférez. Si vous avez un don à faire, alors faites-le. Eh bien, à l'heure actuelle, je n'ai pas beaucoup de choses. Je viens d'arriver en ville et ma principale revenue sont des lettres de chance qui, comme vous le savez, n'ont pas beaucoup d'effet ici. J'aimerais plus pouvoir aider sur le temps de mon séjour ici, qui peut durer des mois, je pense. Et pour ça, j'aimerais peut-être, sans vous forcer la main, mais voir ce qui est possible de faire, sachant que j'essaye dans la ville, pourquoi pas essayer de trouver des moyens d'avoir des revenus comme un commerce, quelque chose comme ça. Mais on pourrait trouver association, faire des dons, mais aussi agir. Parce que vous êtes seul, je pense que une main de plus vous sera pas de refus. Ce sera pas d'autre. La seule chose que vous pourriez faire à mes yeux, si jamais vous n'êtes pas dans la capacité de leur donner quoi que ce soit, c'est d'aller négocier auprès des hospitaliers de la ville. Cela fait des semaines que j'attends une cargaison de médicaments, ils refusent de me la donner ou d'en parler lorsque je viens les voir. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils souhaitent la garder pour eux, mais en tout cas, je n'ai visiblement pas réussi à leur faire entendre raison. Alors si jamais vous pouviez nous ramener cette caisse, de nombreux malades ici meurent chaque jour en l'absence de moyens à notre disposition. J'ai déjà réuni l'argent des noms que je leur ai fourni, mais je n'ai rien reçu en échange. À mes yeux, je me suis fait voler. Vous aviez une quelconque preuve de votre paiement ? Non. Très bien, donc ça a joué sur l'honneur. Vous serez ravi d'apprendre que dans mes amis, j'ai des hospitaliers plutôt bien placés. Je vais voir ce qu'on peut faire pour aider, sachant qu'eux-mêmes demandent service pour des réparations. Donc il serait très mal vu de leur part de me refuser, je pense, une contrepartie. Je vais voir ce que je peux faire. Et sachez que je peux comprendre dans les premiers temps si vous êtes méfiant envers ma personne, mais c'est avec plaisir que je viens vous aider. Il soupire un coup et baisse la tête en lâchant une espèce de... Il semble pas vraiment te remercier ni vraiment croire à ce que tu lui dis, mais... Tu sais, il a ce côté un petit peu... Il a l'air de demander à voir ce que tu lui dis, quoi. Alors bon, oui. Il continue son geste mécaniquement comme une machine. Et j'imagine, si on a fini, il te laisse repartir derrière sans relever la tête. Simplement, il continue de les servir. Il semble pas vraiment avoir confiance en toi, mais pas non plus spécialement hostile. C'est juste que, visiblement... Vu l'état de sa barbe et même son âge qui a l'air un peu avancé, il doit avoir à peu près un peu plus de la quarantaine, tu te doutes que ça fait peut-être longtemps qu'il est là en réalité et que sans doute il a perdu légèrement foi en un quelconque geste désintéressé de qui que ce soit dans cette foutue ville. J'aimerais du coup revenir cette fois-ci au groupe parti au marché et savoir ce que vous souhaitez faire du coup. Est-ce que vous souhaitez aller faire du change, trouver à manger votre part ? Est-ce que du coup vous rentrez à la sacristie ? Est-ce que Jacquard, tu vas faire tes informations ? Pose des questions. Je trouve que. Donc il y a ces trois passionnières, c'est ça ? Ouais. Qui pourraient être potentiellement l'empoisonneuse dont te parlait Brian. Donc, ils avaient dit combien pour les poissons pour 6 personnes pour une semaine ? 280 dinars. Écoute-moi, Mokosh, est-ce que tu pourrais me donner 25 dinars, s'il te plaît ? Ouais, vas-y. Merci. Je les prends. Et du coup, je me redirige vers les poissonnières là. Bien finalement, je pense que mes amis ont un peu surestimé nos moyens et je vais juste prendre pour moi-même. Allez, pour disons la moitié d'une semaine de poisson, s'il vous plaît. Très bien, pas de souci. À ce C'est qui moment-là, m'a tu l'air vois très qu'elle. frais. C'est qui m'a l'air Elle très pourrait. frais, ces poissons. Ça. Ah, Ils ont ils ont été été pêchés pêchés ce matin de. même. Ça fait longtemps que vous êtes ici, vous? Eh bien, oui. Moi, mes deux amis ici habitons là depuis quoi? 40 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. Je ne compte pas vraiment les dates, mais. On s'est installé à Port-la-Gagne, vous savez, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Avant l'arrivée des Néolibyens, l'endroit était complètement détruit et ravagé. Alors, à l'époque, on avait payé notre petite bicoque une bouchée de pain, et aujourd'hui, elle vaudrait 10 fois plus, si c'est pas plus encore. Non, franchement, nous, on a eu plutôt de la chance avec ça. Alors, on en profite. Et alors, ça marche bien le commerce en ce moment? Ouais. Depuis la paix avec. Depuis que les Néolibyens ont fait la paix avec les Pharaons anciens, les voyageurs sont de plus en plus nombreux dans les parages. Alors, on a tendance à Et vendre un alors? peu plus en plus, même si la plupart restent au niveau de l'axe d'argent. Et alors, votre poisson, vous l'achetez à qui? Aux pêcheurs directement. Sur la criée? En partie, oui. Il y a également ceux qui reviennent avec leur bateau. Directement, et ils nous le ramènent le matin même sur le port, on le récupère, et puis. C'est quoi votre nom? Pourquoi vous voulez connaître mon nom? Oh, parce que ça, quand même, ça m'a l'air d'être des sacrés poissons. Moi, vous savez, personnellement, je viens de plus du nord, je suis pas originaire d'ici, mais ma mère, elle faisait ça aussi. Elle avait son étal sur son marché, et puis, non, voilà, je vais juste, je sais pas, faire connaissance comme vous voulez. Pas de soucis, Rachel. Enchanté, Rachel. Et Rachel, celle à donc. laquelle tu parles, c'est la plus petite, c'est la principale à qui vous avez discuté tout à l'heure. Il y en a une grande très mince à côté. Et puis une autre un peu entre les deux. Ça fait un peu Et les du coup, Dalton si tu les alignes, quoi. vous êtes sœur ou vous avez un lien de parenté? C'est un commerce familial Non, ou non. vous êtes juste On est associé? juste des amis et on a décidé d'emménager ensemble. Enfin, ensemble. Disons que notre maison est suffisamment grande pour être l'équivalent de trois petits appartements avec un même salon et réunis au même endroit. Et du coup, vous êtes Toulonnais? Oui, on peut dire ça comme ça. On n'est pas trop adepte des tatouages ou ce genre de trucs, mais on habite à Toulon depuis tellement d'années que c'est sans doute dans cette case qu'on nous rangerait, oui. Elles en ont beau... enfin, elles ont pas de tatouage sur elles, elles sont Non, complètement elles ont pas vierges. tatouage, par contre. D'accord. C'est pas trop, vous savez, c'est pas trop notre époque, ça. Ah, c'est vrai que c'est quand même pas commode, hein. Et donc je peux avoir combien de poissons là? Enfin, c'est quoi votre prix là On pour vous a mis suffisamment de quoi tenir 3-4 jours, là. Ah, parfait. Donc j'en ai pour combien? Du coup, bah, vous m'avez dit 25 dinars. Oui, c'est ça. Ouais. Et ben ça sera tout. Tu vois, elle te file quelques poissons et puis. Bon bah je me redirige vers ma cochilito. Bon bah j'ai notre repas d'aujourd'hui. Je vais peut-être me prendre à manger un peu aussi. Bah il y a assez pour tout le monde là, hein. Comme tu veux. Ouais, ok, t'as raison, t'as raison. Je retournerai aller voir plus tard. À ce moment-là, vous vous retournez en direction de la sacristie. Lorsque vous y arrivez, sur le chemin, j'imagine que vous croisez Toric, qui aura sans doute décidé de rejoindre la sacristie également. C'est à peu près au niveau des mêmes horaires. Au loin, vous pouvez éventuellement deviner la silhouette des Flux qui rentrerait, à moins que ce soit quelqu'un d'autre. Mais Flux, dis-moi, est-ce que t'as décidé de rentrer de Saint-Chenil juste après ou t'as décidé de te balader un petit peu dans le coin? Alors dans le coin, j'ai pas grand chose à faire, donc je vais rentrer, puis je dois parler à notre ami chroniqueur. Enfin chroniqueur, bien sûr, hospitalier. Excusez-moi, c'est. Pas de soucis. Du coup, en effet, vous semblez distinguer la silhouette de la flux au loin. Bon, vous l'attendez pas parce que il sera là d'ici 10-15 minutes. Et au moment où vous vous apprêtez à rentrer dans la sacristie, au niveau de l'ancien brasier allumé par Vito, vous avez un petit bleu de la résistance qui semble vous attendre. Bonjour! Il se sent vraiment être un petit jeune, hein. Il a même pas la vingtaine. Il a l'air presque Bonjour. timide, il a pas un poil sur le menton. J'ai un message à vous délivrer. Vas-y. Alors, c'est à destination du Führer qui réside désormais à la sacristie. Lequel? Ah, Ah, on m'a pas donné plus de précision que celui ça. où on est une seule personne, Tu tu vois, veux. il te passe une espèce de petite enveloppe cachetée, anonyme, y a rien d'écrit dessus. Bon, par part à destination, enfin, destinataire Führer, position sacristie, machin. La sacristie rouge, par la gueule. Tu l'as où, j'imagine? Oui. À l'intérieur, tu vois un petit mot et une carte d'Otaru. Le petit mot a été écrit à la main de manière très chaotique. En même temps, peu de gens savent écrire et bourré de fautes d'orthographe. Il y a écrit: Je savais que tu reviendrais me chercher. La brûlure me l'avait dit. À très vite. Avec une espèce de petit dessin qui représente un genre de cœur. Et derrière, tu trouves une carte de tarot qui représente le traditionaliste, qui est l'un des concepts, du coup, vu que chaque concept de Dead Genesis est associé à une carte de tarot. Pour information, on n'en a jamais vraiment parlé, mais vos concepts de personnages, vous pouvez potentiellement les connaître in-game, puisque ce serait un peu l'équivalent, on va dire, de votre signe astrologique dans l'univers de Dead Genesis. Si vous avez fréquenté des diseuses de bonne aventure ou autre, on aurait pu vous dire quel type de personnalité vous étiez. Du coup, je regarde mon coche et je dis, bon, bah, je pense que tu peux remettre la lettre dans l'enveloppe et puis le donner à l'autre, Führer. Oui, c'est sûrement pas moi. Tu vois Lito qui la prend et il lit. Il regarde tout le monde, tu vois, il a l'air de presque un peu rouge. Je suis confus. Le traditionnaliste est, je dois l'avouer, bel et bien mon concept, si on peut parler de ça, mais j'ai jamais vraiment cru. Ça doit être une erreur, j'imagine. Ou une mauvaise blague, peut-être. C'est déjà Méthane qui essaye de me décrédibiliser. Et à ce moment-là, il broie le papier, enfin, il met le papier en boucle dans sa main et le jette sur le côté. Est-ce qu'il y aurait moyen, genre, de le regarder un petit peu, essayer de genre, faire le fameux jet de psychologie, voir Ouais, si tu veux, fais-moi un petit jet d'empathie. voilà. Le Fais-moi un jet de jet savoir d'empathie avec si. difficulté de 3. Alors, empathie, ça doit être dans. Attends, c'est dans quoi? Ça, je me rappelle jamais. Instinct. Okay. Bah, j'en ai que 3 des donc ça va être vite fait, hein. Non, deux succès, donc un déclencheur. À part si tu estimes qu'un déclencheur, ça vaut deux. Du coup, non, le déclencheur c'est plutôt l'efficacité du jet, et en l'occurrence, c'est vrai que certains tests donnent des bonus, mais pas là. Mince. Du coup, tu saurais pas dire, tu le regardes, t'arriverais pas à dire s'il a l'air juste gêné parce que c'est comment dire, une situation qui le met mal à l'aise, ou si parce qu'il y a un vrai fond derrière, tu vois. Donc, bon, bah, en tout cas, c'est sûr que ça a l'air de presque un peu le dérangé, et puis bon, bah, il a mis ça sur le dos de Jametan, c'est sans doute probable, hein. Tu connais pas trop Lito, mais il a pas l'air d'être franquéen, donc je sais pas s'il y est déjà allé à tout le monde dans sa vie. Du coup, vous vous installez et Jacquard pose le poisson qu'il a pu récupérer. Et pendant ce temps-là, vous avez Dali qui vous prépare à manger, donc l'assiette. Et on va bien l'avouer, lorsque le plat arrive, ça vous fait un bien fou. Ça fait faire vraiment assez longtemps que vous aviez pas assez bien mangé. La bonne chair et clairement le poisson est frais. Le poisson est délicieux, c'est quelque chose de frais, c'est magnifique. Vous avez quelques arêtes malgré tout, hein, mais bon. Franchement, le jeu en vaut la chandelle. Vous avez rarement mangé quelque chose d'aussi bon. Enfin, Bon, moi je mange ça en pas, on rate est rarement. d'accord parce que je mange pas parce que j'ai déjà mangé. Toi, t'as déjà pris tes rations, mais ça pourrait être un peu l'équivalent d'un petit déjeuner, si je peux dire ça comme ça. Ouais, tu pourras toujours te servir un morceau ou autre. En tout cas, la nourriture a pas l'air douteuse. Donc, tu te laisses Ah peut-être non, tenter un moment et sur le coup. ouais non, après c'est pas une question que je pensais que la D'accord. bouffe était bizarre, mais c'est que je pensais que j'avais D'accord, ok. mangé et que du coup Très bien. j'ai fait Dans les ce cas-là, autres. tu te mets de côté. Tandis que c'est du Du poisson, coup, je te conseille de le manger parce que ça se conserve pas très bien. Bon. Bah après, c'est pas ça, Jacquard, mais c'est que comme au niveau de l'hôpital, enfin de l'hôpital, Ouais, t'as peur on... de puer de la gueule? Pardon? T'as peur de puer de la gueule? Non, c'est pas ça, c'est qu'on mange. J'ai un repas qui m'est servi, donc je veux pas vous enlever le poisson de la bouche, si je puis dire. Mais après, si vous voulez partager, que je partage le repas, j'en serais ravi, mais... Alors, C'est tout. c'est toi qui vois. Ok. Au pire, je me laisse un peu tenter par par le poisson. Sur ce, Qu'est-ce que vous petite décidez de question. faire? Bah, je voulais discuter. Petite Vas-y, question, vous avez j'avance. fait le change en Aïdinar du coup? Je sais pas, j'ai eu une absence. Bah oui, on a acheté la moitié de la ville, pourquoi? À ce moment-là, tu vois Flux, Lito récupérer les 500 dinars que tu l'avais donné et les tendre à Gérard l'orgastique juste L'aide sur le de chambre? côté et qui lui dit cours. Attends, c'est pas plutôt lettre de change que dinar? Ah oui, pardon, oui, excuse-moi, lettre de change, justement dans l'objectif de les faire changer Sinon, on en. les garde, hein, les dinars. Hein. Désolé. Bon, je Ça y est, je préviens commence aussi à rapidement. verser les monnaies. Je préviens rapidement. Non. Ouais, c'est bon, c'est sans rendre d'être Oui. occupé. Je préviens rapidement les autres que. Bah, du coup, j'ai fait quatre consultations ce matin. Dont une, le pauvre, je pense qu'il ne marchera plus jamais. Mais sinon, bah du coup, c'est avec ces quatre consultations, j'ai gagné 45 dinars. C'est pas mal. C'est bien. D'ailleurs, Toric, toi qui Ouais. travailles si bien avec l'hôpital, on t'aurait pas parlé d'une livraison que vous aurez gardée sous la main? Alors, pas du tout. Parce que j'ai été voir du coup le Jamethan du nom de Adonai pour vous donner un peu la situation. Et il est un peu désespéré puisqu'il a payé une caisse une cargaison peut-être pas une caisse, hein, une cargaison en tout cas de médicaments qui n'ont été jamais livrés. Et tes chers collègues ont l'air de lui affaire un peu mauvaise. Hein, du coup, ça serait bien qu'on aille voir ça ensemble. Bah écoute, vu que je leur ai parlé de toi pour probablement essayer de réparer des machines qu'ils ont chez eux, bah effectivement, oui, on pourra tout à fait en parler à ce moment-là et voir de ce qu'il en retourne. Parce que je suis pas au courant du tout de ça. Là, je viens juste de prendre les quartiers et de faire un peu connaissance avec les différents camarades qui sont là-bas. Donc Sera pas à me soutenir si dans la conversation il nie pour si jamais ça s'avère vraiment faux, on verra ce qu'on fait, mais s'ils opposent un peu d'opposition, t'es prêt à me soutenir dedans? Oui, dans la mesure où, enfin, si je vois vraiment que ils sont dans le, enfin, où c'est clair qu'ils cachent quelque chose, mais après, tu m'excuseras de faire plus confiance à l'hospitalier que c'est quoi, c'est un diaméthane? Oui, Bon, ça c'est me fait mal. sûr, il t'a arnaqué. C'est sûr que là, oh, la cargaison, elle n'a jamais existé, à coup sûr. Hein. Moi, je pense que c'est. Non, non, Merci, après, j'adore. dans la mesure du possible, mais tu comprends bien que voilà, je pense que tu fais Oui, plus non, mais confiance à un bien sûr, chroniqueur je dis, qu'à un néo-libyen. dans l'éventualité qu'il y a une réelle opposition, parce que si jamais la caisse a jamais existé, elle a jamais existé. Mais ça reste quelque chose qu'on doit avoir. Oui, sous oui, la bien main. Sûr. Bien sûr, non, mais d'accord, il n'y a pas de. Je suppose que de toute façon, vu que l'hôpital ne va pas juste dire oui, ok, tout va bien, donc il y aura sûrement un peu d'opposition. Et si tu peux jouer de ton rang pour qu'ils disent un peu plus facilement la vérité, oui. Sachant qu'on ne va pas leur tomber dessus, on ne va pas commencer à les frapper des hospitaliers. Non, mais je ne le ferai pas. De toute façon, ça on est certain. Moko, je le ferai. Mais ce n'est pas du tout dans le plan, de toute façon. Ouais. Je pense donc, que Moko, entre des hospitaliers et des Giamétanes, je pense qu'elle a vite fait ça. Normalement, elle a déjà fait son choix. Mais soit, j'essaierai de te soutenir, mais il est probable que ce soit peut-être un malentendu ou peut-être un problème qui vient de mes camarades. Mais justement, c'est pour ça que je voulais être sûr que tu puisses être derrière. Et bien sûr, d'ailleurs, bien sûr. Tant qu'on y est. J'aimerais une question à Dali. Juste Flux. Oui, c'est moi. Pendant ta visite au secret miel, tu n'avais personne parmi les miséreux qui serait marqué au front ou qui, ou, je ne sais pas, porterait un espèce de bandeau, un bandana, je ne sais pas, quelque chose dans le genre. J'imagine qu'il devait y en avoir beaucoup, mais quelqu'un qui cacherait son front ou qui montrait une trace de brûlure intense au niveau du front. Je n'y ai pas fait gaffe, mais tu aurais posé la question avant, j'aurais peut-être essayé d'y faire un peu plus gaffe, mais vu le nombre de personnes qui y traînent, je pense qu'il faudra un peu plus d'une visite si jamais ils se cachent un peu. Non, bah, je vais aller le voir moi-même. Du coup, oui, j'aimerais poser une question à Dali, normalement, si elle est toujours là. Ce gérard vient de partir. Oui, elle est là, elle est en train de manger également avec vous. Elle, pour le coup, elle finit la bouillie de ce matin. Oui, Chronica. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà passé par-ci, par-là, à Ferrailly? Oui, bien sûr, je me suis déjà rendu plusieurs fois. Souvent, c'est là que je vais acheter à manger. Je vais être clair dans mon but. Je vais avoir pour objectif de trouver un ferrailleur que je pourrais former et qui pourra rester à mes côtés ici en ville. Et excusez-moi, je me fais engueuler. Et du coup, oui, si tu connais des coins où il y a des ferrailleurs intéressants. Plutôt jeune, puisque bon, la personne qui a la quarantaine aura déjà passé trop de temps pour que l'apprentissage soit intéressant. Voilà, tu sais un peu voilà, où est-ce que ça traîne un peu dans le quartier, où est-ce qu'il y a des points de rencontre qui pourraient être intéressants. Les ferrailleurs sont assez fermés et solitaires. Même les frères de l'acier, d'ailleurs, surtout ces dernières années. Maintenant, j'ai entendu dire qu'il y en a un en particulier qui traitait avec d'autres cultes un peu plus facilement, un ferrailleur qui ne bougerait jamais des ferraillis, ce qui est assez rare pour le souligner. Je pense que son nom, c'était quelque chose comme... alors, il ne correspondra pas à votre description, je veux dire, c'est un homme âgé, mais peut-être qu'il aura quelqu'un à vous donner... Je crois qu'il s'appelle Dobby ou quelque chose comme ça. Oui, ça peut être déjà une bonne façon de trouver contact dans le quartier. C'est déjà très gentil, merci. Il vous suffira de vous rendre à la grande halle dans les ferrailles et demander Dobby. Il est assez connu, il est assez réputé. Vous allez voir, c'est un sacré personnage. Il pourra sans doute vous trouver ça. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, à ce moment-là, Flux, il y a de nouveau quelqu'un qui veut te parler, c'est Lito. Dites-moi, j'avais prévu de ponctionner environ 60 dinars sur ce qu'allait récupérer notre ami Gérard, qui doit actuellement être en train de courir à travers les terres putains et courir argent. Vous n'y voyez aucun mal, j'espère. C'était a priori l'arrangement que j'avais convenu avec le serveur et le protectorat. Si c'est ce qui est convenu, il n'y a aucun souci avec ça. Très bien. Oui, disons simplement que j'aimerais éviter de crécher ici à l'avenir Mokosh est la seule dirigeante de ces lieux et Il n'est pas digne d'un Führer de partager sa chambre avec qui que ce soit, alors je me trouverai un petit appartement le plus proche possible. Bien soit. J'aimerais juste qu'on regarde quand même combien de dinars ça va nous faire en tout pour voir si ça puise la moitié des ressources. Je vous demanderais peut-être un peu être indulgent le temps d'une semaine ou deux qu'on vous ramène le reste. Si il n'y a pas de souci, enfin vous comprenez. C'est juste histoire qu'on se retrouve pas sans la finance. Oui, je veux bien vous laisser quelques jours, sinon je m'arrangerai pour trouver un endroit où dormir. Oui, on verra avec ce que ça fera en dinars, parce que ça dépendra du taux de change, mais on fera au mieux pour ne pas vous mettre à mal. J'ai un bon sentiment à votre sujet, il n'y a pas de souci. Un peu plus tard, quand vous avez fini de manger, en effet, vous voyez Gérard qui arrive complètement en sueur avec les fameux dinars. Vous les entendez s'entrechoquer dans sa bourse tandis qu'il arrive. C'est bon, j'ai tout. Ça nous fait 250 dinars. Le taux était le même que hier. Donc, parfait. Très bien. 180. Il y a quelqu'un qui a déposé ça aussi devant l'entrée. Je sais pas si vous avez vu. Et à ce moment-là, il lève la main et il tend une espèce de petit bouquet de fleurs. Alors pas un bouquet de fleurs professionnel qu'on aurait acheté, mais un truc que quelqu'un aurait cueilli soi-même et lié et déposé devant la sacristie. Pour ceux qui se sentent concernés, vous pouvez prendre le bouquet. je fais un peu un sourire et je dis « Lito, je crois que c'est pour vous. » Mais je n'ai jamais foutu les pieds dans cette foutue ville. Comment serait-ce possible Dali, mettez-moi ça dans un verre. Et il le met dans le... Elle s'en charge, elle le pose sur l'un des rebords de la sacristie. D'ailleurs, vous sentez que depuis ce matin, la poussière commence à avoir été enlevée. On a ramassé toutes les petites pierres qui traînent aussi, qui semblaient être tombées, pour les remettre dans les trous qui correspondaient au niveau du mur. La sacristie fait quand même déjà plus propre. Allez, clairement, il faudrait trouver quelqu'un apte à la réparer, à la remettre un peu debout. Mais ça fait moins ruine abandonnée que lorsque vous étiez arrivé. Que décidez-vous de faire cet après-midi en priorité? Par quoi commencez-vous? Du coup, j'allais proposer. J'allais proposer à Eflux, du coup, s'il veut, bien sûr, qu'on aille à l'hôpital. Dans un premier temps, regarder pour les machines, enfin les choses à réparer au niveau de chez moi, et par la même occasion, du coup, essayer de voir pour cette histoire de cargaison qui n'a pas été livrée, voilà. Qui décide d'accompagner Toric? Moi, je suis concerné. Et en même temps, je ferai un détour à Ferrailly si possible. Moi, je veux savoir si Mokosh ou Jacquard ont un truc à faire dans le coin, on pourra peut-être y aller ensemble. Moi, j'ai un patron de bar à aller voir. Un patron de bar, hein ? À aller voir. J'ai un appartement à trouver. Dit Lito. Vous avez des besoins de gros bras ou pas? Parce que moi j'ai quelqu'un à filer. Alors, nous de notre côté, vu qu'on vient en pacifiste voir l'hôpital, on n'aura pas de besoin de gros bras. Bon, alors je préfère faire mes affaires moi. Très bien. Du coup, je vais commencer par le groupe majoritaire, donc composé de Lito, Mokosh, Flux et Toric. Je suis pas là, moi. Ah, je partais du principe que vous alliez faire le premier bout de chemin ensemble et vous séparer au fur et à mesure. Ah oui, non, Ok. oui, sur le chemin, j'imagine que si on va dans À la moins même que vous direction, partiez dans bah. des directions différentes. Ouais. Et du coup, vous partez en direction déjà de Port-la-Gagne où vous abandonnez Lito. Ensuite, au Terre-Putain, c'est au tour de Mokosh de s'arrêter à l'entrée au niveau du cirque. Mokosh, lorsque tu rentres à l'intérieur, tu tombes sur Jacques, le tavernier, en train d'essuyer le comptoir. Et tu vois qu'il a empilé les tabourets de la veille sur le côté derrière, justement, pour éviter qu'on les pique. Oh, bonjour! Bonjour. Il y a moyen qu'on discute? Bien sûr, suivez-moi à l'intérieur. Vous voulez parler avec Blanchard de quelque chose? Non, c'est avec vous en particulier que j'aimerais discuter. Ce moment-là, tu vois qu'il gratte son crâne un peu dégarni, et puis, bah, ok, pas de souci. Et puis, il rentre à l'intérieur. Tu vois, t'as un peu du mal à comprendre ce qu'il dit, mais mine de rien, lui, il a un accent assez marqué, que tu n'aurais pas ici. Mais pareil, malgré tout, tes bases en franquien te permet de comprendre ce qu'il dit. Ça se fait. Du coup, vous rentrez à l'intérieur et bah, dites-moi tout. J'aimerais qu'on discute du genre de d'activités qui ont lieu ici, en particulier par rapport justement à la troupe de Blanchard. Bien sûr. Ce qui semblerait, vous laisseriez pas troupe là à son plein potentiel, je dirais. Et je pense que c'est un problème. Elle était trop habillée, c'est ça? Non, je pense surtout que les gens qui travaillent ici, donc la troupe de Blanchard, devraient avoir le choix de faire ce qu'ils veulent. C'est pour dire ça que vous êtes venu. Bon, écoutez, j'apprécie votre avis, mais c'est quand même moi qui tiens l'établissement. Non, je suis pas seulement venu vous le dire. Je suis venu vous faire obtempérer. Excusez-moi, j'ai pas très bien compris, mais vous me menacez ou... Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Je te laisse me faire un jet de charisme négociation avec une difficulté de 3, Mokosh. Bien, charisme. Négociation, c'est bien, j'ai zéro. Deux réussites. Écoutez, comme je vous l'ai dit, je suis désolé, mais c'est mon établissement, hein. Mais je tiens votre avis en compte, bien sûr. On en a fini ou vous avez autre chose à me dire? Je pense qu'on en a fini pour le moment. Et ben, salut. Laisse-moi être accompagné jusqu'à la sortie. Pendant ce temps-là, Flux et Toric, vous arrivez à peu près jusqu'au niveau de l'orage. Vous longez l'axe d'argent, vous bousculez dans la foule de personnes venues acheter de tout et de rien, des oranges, une hyène, un babouin, et vous arrivez dans ce coin beaucoup plus tranquille du port, reculé, l'hôpital de l'orage, où à l'extérieur, le fameux lancier Jacques et la fameuse lancière Clara sont occupés à prendre en soin les malades qui sont à l'extérieur. D'ailleurs, Toric, tu vois allongé sur une civière le premier ferrailleur de ce matin, celui qui malheureusement ne marchera sans doute plus jamais. Son état semble pas s'être amélioré. Vous rentrez à l'intérieur, tes collègues te saluent d'ailleurs, Toric. Et Je voudrais. Je. Où est Ambre? J'ai besoin de lui parler. Dans son bureau, comme d'habitude, te dit le premier hospitalier qui passe. Ok. Qui pose la question. Et bah, du coup, on va. Enfin, je dis à Flux de me suivre et on va voir Ambre. Flux te suit jusqu'à l'étage. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, donc je vais faire une petite note là-dessus. Flux, tu remarques qu'à chaque fois que tu traverses Cours Argent, les néolibiens semblent afficher un mépris certain pour toi. C'est pas s'ils se mettent pas à te cracher à la figure lorsque tu passes à leur niveau. Je me dis quand même que c'était bien de le noter parce que là, on a l'impression que vous êtes passé comme si de rien n'était. Mais autant les terres putains et Port-la-Gagne, les gens sont surtout impressionnés, autant ici, les gens te méprisent. Encore plus que aux ferrailles qui ont pourtant été abandonnées par les chroniqueurs. Vous vous rendez à l'étage et après que la vieille Ambre en ait fini avec son patient actuel, vous la rejoignez dans son superbe bureau pour rappel avec son joli bureau en bois bien. Son tableau. Voilà, et derrière le tableau d'un fièrement en train de poser. Un hospitalier qui doit avoir à peu près la quarantaine, quelque chose comme ça. On dirait vraiment un portrait d'avant-guerre, quoi. D'avant et Chatham. Ambre, c'est l'un de vos amis, oui. Je présume. Eh bien, c'est la personne que dont je vous avais parlé, qui pourra tout à fait vous rendre service pour vos machines. Oh oui, oui. Je vous présente Efflux. Vous en aviez parlé, en effet. Je me présente, appelez-moi Ambre, je m'occupe de l'hôpital dans lequel vous vous trouvez. Ravi de voir un chroniqueur parmi nous, cela va faire bien longtemps. Oui, bien trop longtemps, je pense. Ne tardons pas, nous avons des tas de machines qui ne fonctionnent plus depuis longtemps, il nous faudra du personnel rien que pour s'en occuper. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je peux vous emmener dans les différentes salles d'opération. J'aimerais parler d'autre chose avant. Comme prévenu, je suis en train de m'occuper. Enfin, je m'occupe de vos machines d'ici peu. J'ai juste besoin d'un apprenti, c'est plus pratique pour être efficace sur la réparation. Très bien. Je viens chercher, si possible, une cargaison qui aurait été commandée ici, une cargaison de médicaments. C'est impossible. On puisse savoir pourquoi. La cargaison, la caisse de médicaments que nous a commandé le vieux J.M. Ethan, si c'est de lui dont vous parlez, mais je ne vois pas de quoi d'autre cela pourrait être, a été perdue dans les marées, malheureusement, par les gens qui l'ont commandé. Nous tâchons de mettre en route une expédition, mais il nous faut pour cela contacter des ferrailleurs. Et vous aurez pu le constater, nous sommes absolument débordés ici, nous n'avons pas encore eu le temps de monter une expédition juste pour récupérer ces foutues caisses. Sachant que cette expédition sera sans doute à nos frais, il va sans dire que nous allons en plus perdre énormément d'argent dans l'opération. Elle a été perdue à quel endroit à peu près cette caisse? De ce que j'en sais de la part des gens à qui on avait commandité la livraison, ils l'ont perdue entre un petit peu avant Bayonne, au niveau des marais. Et ça mettrait combien? La caisse a été commandée à l'hôpital de campagne de Mercure, qui se trouve beaucoup plus au nord. Et ça mettrait combien de temps d'y aller à cheval? D'ici jusqu'à Bayonne, à cheval, quelques heures. Parce qu'on peut bien de suivre le chemin brûlé. Ensuite, oui. Il faudra fouiller les marais jusqu'à la trouver, et ça, j'en ai absolument aucune idée, malheureusement. Oui, vas-y. Oui, c'est intéressant, surtout que Babylone. Babylone, bien sûr. Ah bon, Babylone. Je suis sûr que c'est à côté. Ça doit être à quelques kilomètres. Ouais. Bon, bref, du coup, c'est Bayonne. Bayonne, c'est un endroit qui est intéressant pour moi. Du coup, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'on peut faire en attendant. Je pense que Torik est d'accord pour qu'on prenne en charge de notre côté cette recherche, puisque vu les questions de Torik, je suppose que ça a l'air de lui avoir traversé l'esprit. Oui, oui. Et du coup, j'aimerais juste savoir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose en attendant de la récupérer, même un tout petit don, un truc comme ça, enfin quelque chose pour faire comprendre que vous êtes non pas fermé à la conversation, mais bien sûr qu'il ne vous coûterait pas grand-chose, sachant que vous faites déjà une économie énorme en vous empêchant de participer financièrement à cette expédition. Donc, est-ce que ça serait possible d'avoir un petit geste ? Vous avez raison, vous avez raison. À ce moment-là, elle se dit au bureau, chope un petit bout de papier d'une espèce de carnet. Alors, c'est du papier reconstitué qui a été fait depuis. Donc, c'est pas les petites feuilles que nous on a lorsqu'on va chez le médecin. Elle récupère une plume d'oie, la trempe dans un pot d'encre et t'écrit en fait un genre de liste de courses, signe et vous l'attend et dit. Apportez ça, Torik, au pharmacien Gossen et il vous donnera quelques médicaments. D'accord. Écoutez, merci. Je vous remercie de tout ce que je peux et je viendrai vous aider au plus rapidement possible dans les jours à venir. Vos machines seront réparées. Ouais. Bien, soit. En tout cas. Si vous me dites quelques heures pour s'y rendre, écoutez, j'essaierai de faire en sorte tout de même de ne pas que cela n'empiète pas sur mon temps de travail du matin pour mes patients. Et une fois cela accompli, je pense que je demanderai aussi à mes camarades qui ne sont pas là en ce moment de nous suivre pour trouver cette caisse. C'est le genre de mission que nous avons coutume de faire quand nous étions à Justicienne. Donc, c'est de la routine. Voilà. Du coup, on regardera. Une fois qu'on aura récupéré la caisse, je pense que, comme vous l'a dit Efflux, il regardera un petit peu tout le matériel qui peut être réparé. Ça me laisse le temps comme ça de trouver mon apprenti. Okay. Essentiel pour bien travailler puisque ça permet d'économiser beaucoup de temps perdu sur la recherche d'outils, ce genre de choses. D'ailleurs, je voulais juste faire une dernière précision. Il en va de soi que, mais ça je suppose que vous êtes d'accord avec ceci, que son travail sera rémunéré puisqu'il va quand même donner de son temps et de son talent pour améliorer nos conditions de travail et je suppose que il recevra de quoi payer son dur labeur. Nos moyens sont limités, mais nous allons voir ce que nous pouvons faire. Déjà, il faudra sans doute que vous-même payiez des ferrailleurs pour vous escorter. Ne songez pas à y aller comme cela, alors nous prendrons peut-être déjà en charge cette partie. Sachant que pour ma rémunération, j'accepte le repas, enfin, j'accepte le paiement par des repas. Le but n'est pas de m'enrichir par mes actions, mais de survivre. Donc, il nous reste peut-être quelques rations de survie en rap que nous avions prévues au cas où pour l'hiver. Nous verrons ça au moment venu, mais je vous remercie. Ok, et bien du coup, on vous laisse et à très vite. Chroniqueur, au revoir. Madame. Au revoir. Elle récupère sa canne et se dirige avec vous vers la sortie où elle appellera la personne suivante, puisque elle-même prend des consultations, elle passe pas sa journée à rien faire. Malheureusement, il n'y a pas assez de monde pour ça, il n'y a pas assez de personnes. Bah nous, du coup, on se dirige vers le pharmacien, vers Gossen, et je lui dis tiens. Ouais. Alors, c'est pour toi. Efflux ne pourra pas se rendre jusqu'à Gossen, puisque là, vous rentrez dans la zone, on va dire, un peu réservée hospitalier, mais simplement, toi, en quittant le bâtiment principal, tu traverses rapidement la petite cour. Ouais, je vais chercher ce qu'on a besoin. Tu arrives à l'intérieur du réfectoire qui est quasiment complètement plongé dans le noir. C'est que tu réalises que finalement il n'y a pas beaucoup de fenêtres ici. Mmh. Et comme ce matin, tu le vois complètement avachi, la tête dans la main, à moitié en train de dormir à son poste. Tu sais, je fais ça sur le comptoir. bonjour. Excusez-moi. Oh, désolé de te déranger pendant la sieste. Ah, ouais, j'ai pas beaucoup dormi l'année dernière. Non, mais il n'y a pas de souci. J'ai Ambre qui m'a demandé de venir chercher cela. Donc je vous Alors, attendez, donnez-moi ça. On peut se tutoyer maintenant, je pense qu'on va devoir. Oui, donne-moi ça. Se côtoyer. Torik. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Je vous rapporte ça. Il se lève et marche tranquillement jusqu'à la porte de la réserve, qu'il l'ouvre et à l'intérieur va récupérer, sans doute sur une étagère, quelques flacons de médicaments qu'il vient poser sur le comptoir. Te fait toi-même signer un registre, note tout ce qui a été récupéré, garde le petit papier que tu l'as fourni et te remercie en faisant partie. En te laissant aller. Et bonne sieste. Merci, merci. Pendant ce temps-là, nous allons voir Jacquard qui, toi, a traversé Saint-Chenil pour te rendre jusqu'à Sacré-Amiel également. De la même manière que ce que je décrivais un petit peu donc à Flux ce matin, tu passes vers un quartier complètement délabré. Tu vois les chapelles, les petites chapelles anabaptistes complètement vides, avec à l'intérieur des mendiants et des lépreux couverts de bandages. En marchant un petit peu plus, tu vois des peintures de symboles hospitaliers qui s'effritent sur les murs, et un coin très sombre, vraiment à l'ombre de la ville, qui semble au loin surplombé par une colline avec quelques vieux bâtiments un peu éclairés. Ici, l'électricité ne semble pas être de mise. Les gens sont là, déambulent dans la rue et te regardent étrangement, s'écartent en te voyant passer d'ailleurs, tandis que tu trimbales là avec ton marteau et qu'à chacun de tes pas, on entend le métal s'entrechoquer sur la pierre. Un peu plus loin, tu arrives devant ce qui semble être Sacré-Amiel, donc cette petite chapelle complètement délabrée. Comme ce que je disais pour Efflux, tu reconnais un peu le style purgan, ça fait très lucatoré ce que tu as devant toi. Et un silence de mort tandis que tu marches à l'intérieur, où tu vois des centaines de malades, d'aveugles, voilà, d'infirmes, tout ce que tu veux, entreposés presque les uns sur les autres, allongés sur des lits de paille, en train de jouer avec des os d'animaux ou de discuter tranquillement. Certains gémissent, d'autres parlent tout seuls, enfin, c'est vraiment la misère qui est à l'épreuve ici. Et au loin, tu vois un Jemetan à genoux au sol en train de changer les bandages de certains des malades. Je veux me diriger vers lui, du coup. Tu te diriges vers lui et tu vois qu'il t'entend arriver, mais semble pas lever. Enfin, clairement, il t'entend arriver parce que tu fais plus de bruit qu'un humain normal. Là, en plus, t'as une bonne carrure. Mais ne daigne pas lever la tête lorsque tu arrives à son niveau. Il continue de faire ce qu'il est en train de faire. Bonjour. Vous êtes le deuxième visiteur que je reçois aujourd'hui. Oui, j'espère que je ne vous dérange pas. Peut-être j'aurais besoin de parler avec vous. À ce moment-là, il lève la tête et dit « Vous pouvez tout me dire. De toute façon, si jamais vous pensez que nous pourrions... trouver un coin plus tranquille, alors... Où ?» Et là, il regarde un peu autour de lui pour montrer qu'absolument tout est rempli à ras-bord dans le récit de malades, en fait. Hein. Et cela sera confortable. Peut-être un coin plus tranquille de la bâtisse, si vous avez. Alors nous allons devoir sortir. À ce moment-là, il soupire, il adresse quelques mots au malade, il se lève et il marche avec toi jusqu'en direction de la sortie. Vous vous retrouvez devant, il s'adosse contre un mur et... Alors, est-ce que vous êtes là pour nous donner un coup de main, vous aussi? Est-ce que c'est le chroniqueur qui vous envoie? J'imagine que vous avez dû voyager ensemble. Je ne sais pas si on parle de la même personne, mais effectivement, je côtoie un chroniqueur. Et malheureusement. Si nous chroniqueur, alors nous parlons sans doute de la même personne, c'est sûr. Je ne viens pas en son nom. J'aurais quelques questions à vous poser. Vous avez dû remarquer, enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Si, mais je suis juge et. Je suis actuellement à la recherche d'une personne. Dont on m'a dit qu'une personne qui correspondait à sa description serait parmi les pauvres âmes que vous aidez à soulager. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est un meurtrier récidiviste qui a été à maintes fois condamné et je dois exécuter la justice. S'il se trouve parmi les nôtres, alors vous, il est déjà condamné. Peut-être, mais pas aux yeux du protectorat. Alors, c'est la mort que vous amenez. La mort, la justice, comme vous voulez. Je ne sais pas si j'ai une réelle raison de vous dénoncer ainsi la présence d'une personne dont j'ignore si elle se trouve ici, mais si c'était le cas, pourquoi trahirais-je mes frères dont je m'occupe depuis tant d'années, juste parce que le premier inconnu est venu me demande de le faire? Pensez vraiment que le protectorat m'envoierait ici, il y aura des centaines et des centaines de kilomètres pour un simple meurtrier, une personne, en parlant vraiment de personnes qui a commis l'immoral irréparable, de personnes qui ont renoncé à toute leur humanité, qui ont choisi leur voie à travers le chaos, le crime et le sévice, et qui viennent profiter de votre hospitalité en vous trompant. Croyez-moi, vous ne serez que soulagé d'avoir une bouche de moins à nourrir et plus de nourriture à partager parmi vos pensionnaires. L'homme que vous cherchez, c'est Finn, c'est bien ça? C'est exact. Il est bien là, en effet. Si je vous autorise à aller lui parler, c'est uniquement parce qu'il ne s'en cache pas. Pas la peine de fouiller sous les bandages dans les preux pour découvrir la marque qu'il arbore sur le front. Suivez-moi. Maintenant, je dois être franc avec vous si jamais vous souhaitez l'emmener contre son gré, je me rangerai de son côté. Je peux répondre. À ce moment-là, il te conduit à l'intérieur. Et sans même que vous ayez à dévisager les gens à l'intérieur de la salle, tu vois un homme au loin se redresser, se mettre debout autour des gens assis et se diriger vers toi. Alors, ce qu'il arrive à ton niveau, tu vois nettement sur son front la marque du jugement. C'est pour moi qu'il est là, c'est ça? Le protectorat. À ce moment-là, Adonai, le Jametan, acquiesce. Vous voulez bien nous laisser seuls? Enfin, seuls, dans la mesure du possible. Ça va être compliqué pour moi de sortir tous ces gens. Oui. Pas de soucis, je ne veux pas vous attirer de problème. Je vais le suivre. Je sais ce qui m'attend. À ce moment-là, Adonai, lui, semble lui laisser une dernière chance. Il lui dit, tu es sûr? On peut te protéger si tu souhaites. Il fait non de la tête et le remercie de l'avoir aidé ces dernières années, mais j'en ai marre de me cacher. Merci, mon ami. Il met la main sur l'épaule du Jametan et t'accompagne jusqu'à la sortie de Sacré Amiel. Je finissais par penser que vous ne viendriez jamais. Te dit-il. Vous avez donc compris que Protectorat m'envoie pour vous éliminer, vous tous, les briseurs de marteau. Quoi d'autre amènerait-il un juge à cet endroit? Vous savez, je pense avoir eu le temps de payer chacun de mes crimes ces dernières années, mais... Alors pourquoi les procès? Je refuse de retourner dans ce cercle de violence. Je suis plus que lassé de tout ce qui se passe et si j'y ai trouvé un refuge, Sacré Amiel sera aussi mon tombeau. À ce moment-là, tu vois, il écarte légèrement les espèces de haillons desquels il est vêtu. Et tu vois à l'intérieur quelques marques, voire même pustules, et tu commences à comprendre qu'il a dû choper quelque chose de pas terrible à l'intérieur. Mes jours sont comptés de toute façon. Je pourrais être Clémo et te laisser vivre le quelque temps qu'il te reste à vivre. Mais pour ça, j'ai besoin de ton aide et de ta coopération. Tu veux que je te dise où sont les autres, hein, c'est ça? Oui. J'accepte ta présence et le sort que je mérite, mais ne me demande pas ça. Je ne sais pas où sont les autres, et même si je le savais, je ne dirais rien. Et si je te disais que j'ai moyen même de prolonger ton existence de quelques années? Jamais je ne trahirai mon frère et le reste du groupe. Fais ce que tu as fait et va-t'en. Tu veux? À ce moment-là, il se met à genoux devant la chapelle. Fait un dernier signe de reconnaissance envers cette dernière. Et presque mécaniquement, comme s'il avait répété ce geste pendant des années, pose sa tête contre une grosse pierre qui est posée à côté. Les gens aux alentours commencent à sortir de leur maison pour observer ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu fais, Jacquard? Alors, c'est ce que tu veux. Si je veux, je peux t'emmener à l'orage, te faire soigner, te nourrir, te laisser tranquille. Et en échange des informations. Oui. Ma décision est prise, c'est bon. Je suis condamné de toute façon, les autres ont peut-être encore une chance alors qu'ils en profitent. Et ce serait me combattre ce. Enfin, ce serait devenir ce pourquoi j'ai toujours combattu ces dernières années. Bon, bah. Tes dernières paroles. On va te faire foutre. Ainsi soit-il. À ce moment-là, tu lèves ton marteau. De tes deux bras, tu le suspends le plus haut possible en l'air. Les gens autour semblent avoir le souffle coupé. Et d'un seul coup, tu l'abats, telle la justice, sur son crâne qui explose en plein milieu de la rue. Son corps roule sur le côté. Et tu redresses ton chapeau pour qu'il soit bien mis sur ton crâne tandis que tu te diriges du coup vers la sortie du quartier. Tu repars presque comme tu étais venu. Et à ce moment-là, nous allons repartir cette fois-ci au niveau des ferrailles pour rejoindre Efflux et Toric. Vous avez donc réarpenté les rues brinque-ballantes couvertes de tuyaux et de ferrailles, des ferrailles. Vous entendez au loin le bruit des machines et des ferrailleurs qui pressaient comme pas possible, déambulent dans le quartier. Vous êtes bousculé une fois ou deux et vous... Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Là, tout de suite, je pense qu'on va aller au Grand Hall, enfin, la Grande Halle, pardon, aller voir Dobby, si c'est son réellement nom. Et déjà, parce que ça m'aidera à trouver mon fameux apprenti, mais aussi parce que je pense que ça sera une bonne source pour trouver la fameuse, qu'on appelle ça, une Enfin, pour l'exploration, c'est les gens qui t'aident, qui te protègent, c'est des... J'ai perdu le terme, je suis désolé. Ça va plutôt être des. Il y a plusieurs rangs dans les chez les ferrailleurs. Non, non, c'est juste un terme générique, c'est... Mais enfin bref, les gens qui vont nous accompagner à Oui. l'expédition. D'accord, oui, bien sûr, ok. Oui, ça va être Mais une voilà, mais... escorte. Oui, voilà, escort, c'était le mot que je cherchais, merci. Mais voilà, je demandais à Dobby tout ça, parce que vu que ça a l'air d'être celui-là qui parle de toute façon le plus aux autres clans, je pense que c'est le mieux pour ça, pour mes deux besoins, donc Ok, si très Toriki bien. est d'accord. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Alors, vous vous dirigez donc au niveau de la grande halle. La grande halle, c'est une espèce de superstructure à l'intérieur des ferrailles. Presque même, si je puis dire, un petit quartier dans le quartier, ou district, le jeu appelle ça des districts, pour moi c'est plus des quartiers. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est donc une zone assez grande dans laquelle vous vous dirigez actuellement. Vous arpentez de nombreux couloirs et des dalles où vous demandez tantôt à certains ferrailleurs couverts de suie qui n'ont pas vraiment l'air d'avoir le temps de vous parler, mais vous êtes obligé de les arrêter où se trouve Dobby. Alors à ce moment-là, certains vont parler avec un accent très prononcé, vous allez rien comprendre, puis demander à un type un peu de trois couloirs plus tard qui lui semble vous indiquer une direction. Alors vous marchez, c'est un véritable labyrinthe, vous vous y perdez, vous avez des morceaux de ferraille qui visiblement indiquent des directions, il y a peut-être le quartier de la rouille, le quartier du fer, vous savez pas trop. C'est vraiment l'endroit qui abrite les fouilles poussières de la ville. Vous avez clairement ici des centaines de ferrailleurs qui habitent. Vous voyez des espèces de, on va dire, peut-être de terrasses à étage qui servent également d'ateliers, bas de plafond. Et vous avez les fameux câbles qui serpentent de toutes les couleurs à droite à gauche au niveau du chemin. Alors vous les suivez et vous vous dirigez à l'intérieur, vraiment de la grande halle, éclairée à droite à gauche par la lumière des machines et des espèces de petites loupiottes qui ont été installées et qui brinquent-ballent. La moitié doivent être soit cassées, soit éteintes, mais ça suffit. Vous arrivez finalement au niveau d'une espèce de petite étale, mais incrustée dans un mur, vraiment comme si on avait posé un gros bloc de ferraille et qu'on avait genre compacté dans une décharge et qu'on avait creusé à l'intérieur un petit coin où quelques ferrailleurs sont posés et fabriquent des trucs, tordent des trucs, machin. Vous avez d'ailleurs des jeunes, et Flux, du coup, c'est peut-être ici que tu pourrais trouver ce qu'il te faut. Et en effet, en haut est écrit nettement Atelier de Dobby. Vous vous placez à l'intérieur, vous demandez où est-ce qu'il se trouve et on vous fait signe de passer la porte. Que vous faites. D'ailleurs, vous êtes obligé de vous baisser tellement l'endroit dans lequel vous vous trouvez est petit, coincé. Et vous arrivez dans une espèce d'atelier qui te fait peut-être un peu penser à ton atelier à toi, Flux, que tu avais à Justicienne. Dans lequel des armes, des outils, beaucoup d'armes d'ailleurs, ont reposé sur des espèces de... J'ai oublié le terme, mais bref, les trucs pour entreposer des armes, quoi. Des présentoirs, des outils, de la ferraille, des cartes également, des marais, sont entreposés dans un endroit complètement poussiéreux. Des morceaux de charbon et plusieurs ferrailleurs en train de discuter. La porte se referme et... L'un d'entre eux se retourne vers toi. Alors lui, ça semble être un ferrailleur de bas étage. Et Flux, il te fait Waouh! Dobby, il va voir qui est-ce qui se ramène. Et à ce moment-là, au fond de la salle, un mec, un grand gaillard, qui doit faire franchement 1m80, 1m90. De dos avec des espèces de grosses lunettes de ferrailleur qui lui font le pourtour de sa coupe de cheveux, se retourne dans votre direction. Il surplombe tout le monde de une tête au moins et vous comprenez directement que c'est lui le chef ici. Il a une espèce de gueule presque enivrante, un nez proéminent, des yeux très rapprochés, ses fameuses lunettes sur le front et des cheveux blancs taillés en l'air. Il a une espèce de grand manteau en cuir poussiéreux, délabré, déchiré, tout ce que vous voulez raccommoder. et se pose face à vous et vous dévisage. Et bah ça alors. Il s'allume une clope. Mais tu veux? Les chroniqueurs vous abandonnent et reviennent la queue entre les jambes, à ce que je vois. Qu'est-ce qui vous amène ici? À ce moment-là, il s'allume une deuxième clope qui coince de l'autre côté, à l'opposé. Oh, bien des choses, mais je viens vous parler d'Obi, si c'est bien votre nom. C'est bien moi. Bien. Je viens d'arriver en ville très récemment. Je fais partie d'une petite expédition, non pas de chroniqueur, étant donné que je n'en suis plus vraiment un, malgré les apparences. Malgré tout, je peux comprendre votre réaction. Il faut dire que la ville a pas été bien très gérée ces derniers temps par les chroniqueurs. En tout cas, ce n'est pas pour ça que je viens aujourd'hui. Et si cela vous va, on vient vous demander deux éléments, enfin un service, voire un deuxième, si on peut en parler ainsi. J'écoute. Bien, le premier concerne une expédition. Nous aurons besoin d'une escorte de ferrailleurs. Nous allons en direction de Bayonne et nous devons chercher une cargaison hospitalière. C'est la raison de la présence de mon ami ici présent, hospitalier, de médicaments qui auraient été perdus. Ça représente une grosse perte, autant financière que humaine. Et on aimerait du coup savoir s'il était possible avec vous d'engager quelques personnes, bien entendu. Contre des dinars ou services, hein, si vous préférez des services, je suis parfaitement apte à me proposer en tant que aide humaine. Mais voilà, j'aimerais d'abord savoir ce qui est Ouais, possible. on peut s'arranger bien sûr, mais pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à un chroniqueur ou à un non-chroniqueur, même si l'apparence est cette fois-ci plus que jamais trompeuse? La dernière fois que j'ai traité avec des gens de votre espèce, ils nous l'ont mis bien profond. Malheureusement, je ne connais pas votre passé. Sachez que j'en suis navré de l'apprendre. Il faut croire que les choses sont vraiment passées de manière plus difficile que ce que j'aurais cru. Et que, si je viens vous demander service, premièrement, bien entendu, il y aurait une partie de la rémunération qui sera faite en amont. C'est une gage de sécurité pour vous. Pourquoi faire confiance? C'est un peu difficile. Je ne peux pas prétendre que vous devez me faire confiance au premier coup d'œil. Ça serait énormément prétentieux de ma part. Pas Malgré dans tout, mes c'est habitudes. vous que je viens de demander service. Si jamais vous en avez les moyens, on devrait pouvoir s'arranger. Vous savez, ça va faire bien longtemps qu'on n'a pas fait d'expédition dans les marais. Quels sont les moyens qu'il faudrait envisager? Les Néolibiens ont fait la paix avec les Ferromanciens, mais cette paix leur est plus destinée qu'à nous. Il arrive que des faux-bourdons se perdent, et si jamais nous tombons sur eux sans huile de Marduk, alors nous sommes morts. L'huile de Marduk est conçue par les Anubiens et qui nous les vendent un rein au marché. Alors il faudra commencer par nous en procurer, soit de manière légale, soit de manière plus détournée. Une fois l'huile en notre possession, il nous suffira de nous rendre dans les marais. Bien. Récupérer votre cargaison, nous en profiterons sans doute pour faire un petit détour et exploiter deux trois filons que nous avions en tête. C'est non négociable. Et nous finirons par rentrer, récupérer notre argent, faire un beau profit. Et si jamais vous tentez de nous la mettre à l'envers, vous finirez six pieds sous terre dans les marais, dévoré par des faubourons. Ou alors vous rejoindrez leur groupe. C'est le risque, mais ça fait pas partie de mes plans. On fera en sorte que ça n'arrive pas. Quoi qu'il en Nous soit, avons s'il suffit tout de. votre intérêt. Effectivement. S'il suffit de trouver cette huile et vous de la fournir pendant cette expédition, eh bien je ferai ce qu'il faut et je reviendrai à vous très rapidement. Très bien. Si les si les Néolibyens acceptent de vous en vendre, alors. Oui. Et. Pour mon deuxième service, il est pour le coup plus personnel. Hein. Mais je peux comprendre si vous préférez que d'abord l'expédition soit réglée pour voir si je suis une personne de confiance, mais je vous en parle maintenant et ça sera à vous de me dire ce qu'il en est. Je cherche actuellement un apprenti que je pourrais avoir à mes côtés. Bon, j'aimerais un ferrailleur parce que vous êtes des personnes débrouillardes. Qui savent trouver ce qu'il faut, qui sont. Je pourrais continuer une liste de compliments pendant longtemps, mais j'ai pendant très souvent, à l'époque où j'étais encore chroniqueur à Justicienne, travaillé avec des ferrailleurs et c'était une de mes meilleures coopérations. Et j'aimerais savoir si vous pourrez me recommander, me dire là où je pourrais trouver quelqu'un que je pourrais l'aider à former. Par rapport au fait de manipuler des machines, des constructions, etc. Et lui me servira d'assistant, si je peux dire, pour trouver des ressources. Et voilà, c'est Où est-ce que donnant-donnant. vous habitez? Actuellement, nous venons à peine d'arriver en ville et on se situe au niveau de la Saint-Christie, si je ne me trompe pas de nom, parce que je n'ai pas bien noté. La sacristie, vous voulez dire, celle de Port-Lagagne? Oui, voilà, merci. Tout à fait. Putain, je Je pensais que c'était suis. encore plus abandonné que les ruines dans lesquelles on tombe C'est habituellement dans les marais. actuellement repris. En fait, je suis accompagné d'une anabaptiste qui vient loger là-bas. Et ça me permet d'être logé gratuitement et avoir assez d'espace pour un petit atelier. Pourquoi pas? Je vous emmènerai, je vous enverrai un blaireau dès demain. Il vous attendra au matin. Il reviendra le soir et me fera un compte-rendu de tout ce qui s'est passé là-bas. Si jamais il a été maltraité ou alors vous lui en avez trop demandé ou qu'il a été blessé d'une manière ou d'une autre, j'enverrai mes frères vous rendre une petite visite. Si jamais ça se passe bien, alors pourquoi pas? J'exige toutefois qu'il soit payé, un salaire digne de ce nom. On n'est pas là pour se foutre de notre gueule. Eh bien, cela me va. Il faudra voir pour le salaire, étant donné que je m'installe à peine en ville. Il faudra peut-être être clément les premières semaines, le temps que mes revenus deviennent habituels. Mais je ferai de mon mieux pour qu'il soit en tout cas bien traité, ça y a aucun problème, et pour qu'il soit payé à la hauteur de ses compétences. Très bien, ça vous fera 5 dinars par semaine. Bon, cela est clairement envisageable. Ravi du coup de faire affaire avec vous et en espérant que ça Bon, là, puisse toi, durer. quand tu te dis que, quand même, quand tu vois ce que tu t'es fait en une matinée, les blaireaux chez les ferrailleurs doivent être, sont vraiment payés une misère absolue. Eh Est-ce que vous. bien, parfait. J'imagine qu'on aura l'occasion de se revoir. Eh bien, tout à fait. Tu vois qu'il a l'air de chercher ton nom, tandis qu'il pointe du doigt en retirant l'une de ses deux cigarettes. Et il s'en Flux. mordait l'autre d'ailleurs. C'est presque s'il en bouffait des petits bouts les uns après les autres. Et Flux. Et vous? Moi, c'est Torek. Et vous êtes spitalier ou vous êtes pas spitalier? Vous en avez que l'apparence. Je suis spitalier, mais j'ai pas grand-chose à vous dire. Ça ne me concerne pas. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer vos ferrailleurs chez nous. On essaiera bien de s'en occuper. On en reparlera. C'est bien, tu vois. Qu'on se revoie du coup avec l'huile. Hein. Venez me voir avec l'huile et on pourra commencer à en parler sérieusement. Parfait. À ce moment-là, vous sortez et vous dirigez vers la suite. Enfin, j'imagine du coup vous souhaitez rentrer au niveau de la sacristie. Pour information, là, on est en peut-être milieu d'après-midi, si c'est pas début de soirée. Oui, je pense qu'il faut qu'on aille parler au groupe, voir comment... Enfin, parce que là, il y a eu beaucoup d'informations. On voit un peu ce que tout le monde a fait, et je pense que ça pourra organiser la suite des... Parfait. J'aimerais, dans ce cas-là, revenir au niveau de Mokosh et savoir ce que tu as fait après après avoir fait chou blanc au niveau de Jacques, le patron du cirque. Eh bien... Je pense que la réalisation du fait que je pouvais pas forcément être parfaitement libre de mes mouvements et de mes pulsions meurtrières, parce que maintenant j'ai une certaine réputation à avoir et mon groupe veut que je sois sage, m'a pas mal, je dirais pas démotivé, mais perdu, on va dire. Parce qu'il faut dire que c'est plus ou moins la seule manière dont je gérais tous mes problèmes depuis le tout début. Donc je pense que j'ai juste rejoint la sacristie et que j'ai essayé de faire un état des lieux total pour savoir ce que je pouvais bien en faire. Ok, très bien. Tu croiseras dans l'après-midi Lito qui te dira avoir trouvé un endroit où loger. Et t'indiquera assez rapidement la position de celui-là. En effet, c'est un appartement de Port-Lagagne qui se trouve à seulement deux rues de la sacristie. Okay. Donc, il te répétera qu'en effet, pour lui, c'est pas digne d'une fureur de partager sa chambre à l'intérieur de la sacristie et qu'il faut te le laisser. D'ailleurs, je vais cette fois-ci passer à Jacquard et j'aimerais savoir ce que tu vas faire après avoir massacré ce type. Après avoir exécuté, et rendu la justice une première fois. Il est quelle heure à peu près ? On est à quel moment de la journée ? Là, comme je disais, on est en milieu d'après-midi, presque début de soirée. Toi, plutôt milieu d'après-midi, puisque les scènes se passent en même temps, donc. T'as pas attendu que les autres discutent avec quelqu'un à l'autre bout de la ville pour reprendre ta marche. Donc toi, on est plutôt de milieu d'après-midi. Bien. C'est celui qui a fait le moins de trajet. Je vais regagner lentement, on va dire, la sacristie. C'est-à-dire que je vais un peu essayer toujours d'analyser le quartier, genre de... Peut-être m'arrêter quand il y a quelque chose qui m'intrigue, ce genre de choses. Puis ensuite, si jamais il n'y a personne ou qu'il n'y a pas grand monde, je vais me rendre au marché de Port-Light. Très bien. Je vais te demander dans ce cas-là un jet de instinct perception pour observer en effet tranquillement, voir si tu vois des choses autour. Alors, un jet 2, tu as dit ? Instinct perception. Ok. Pour 5 réussites, donc 2 déclencheurs. 5 réussites, donc 2 déclencheurs ? Ouais. Waouh. Alors, waouh. En effet, tu refurtes un petit peu autour de la sacristie. Et tu repères plusieurs choses. Déjà, à quelques rues de Lula, en fait, tu t'éloignes un petit peu, tu vois un homme un petit peu étrange qui, te dévisage. Et tu sais, en fait, tu le reconnais assez facilement. Il a le regard de ce type qui a quelque chose à se reprocher et qui a la peur que tu viennes pour lui. Alors, il semble pas forcément répondre à la description d'une des personnes que tu traques. Et puis, j'imagine que statistiquement, ce serait un peu improbable que tu tombes de nouveau sur l'un d'entre eux. Donc t'envisages pas forcément cette possibilité là tout de suite, mais tu décides de le suivre tranquillement Et tu vas le suivre jusqu'à la partie ouest de Port-la-Gagne. Je ne sais pas si vous la voyez sur le plan, mais il y a une espèce de petite branche qui part. Genre, en fait, je vais faire simplement un screen de la carte et vous le poster. Donc voilà, tu le suis aux alentours de quelques rues et tu tiens à bonne distance, ton bac qui te repère. Jusqu'à ce que tu arrives donc à cette partie-là où tu sembles du coup avoir une espèce de regroupement de personnes qui se sont installées et se vendent. Tu sais, c'est un peu ce côté réunion clandestine. Et se vendent des objets sous le manteau. Tu vois passer des armes à feu, de la brûlure, ce genre de trucs. Et en fait, lorsque le gars que tu suivais arrive à leur niveau, il leur dit quelque chose en mode « Putain les gars, j'ai vu un juge, on reprend tout. » Et simplement, quelques secondes plus tard, ils sont tous en train de se disperser absolument partout. T'étais à trop de distance pour vraiment intervenir. Simplement, il semble y avoir des petites réunions un peu, je pourrais dire clandestines, un peu autour de Port-la-Gagne. Peut-être plus au nord, parce qu'il semble s'enfuir vers le nord. Tu gardes ça à l'œil et tu dis que tu pourras peut-être repasser à l'occasion, envoyer quelqu'un d'autre de moins soupçonnable à ta place. Ensuite, tu décides de faire un petit tour et de retourner en direction de la sacristie. Et cette fois-ci, au loin, c'est ce qui pourrait être les fameux gangs de Jay Methan que tu croises, en tout cas que tu entreaperçois au loin, en train de discuter, assis un peu à la manière de Rakai sur un petit muret et de mal parler aux gens qui passent. Ça te fait étonnamment penser aux anabaptistes que vous aviez croisés à Basham, c'est vraiment le même genre de personnes en fait, de caricatures on va dire de personnes. Tu dis que voilà pareil, eux c'est pas des vrais bandits, toi t'en as connu des types vraiment dangereux ou des regroupements vraiment violents comme le cartel par exemple de Ferrailleur à Justicienne. Eux à côté en vrai ils font pas le figure hein, franchement. Tu t'y attardes pas trop, tu pourras peut-être prévenir éventuellement Mokosh ou Olito quand tu les auras croisés. Et lorsque tu rentres au niveau de la sacristie, tu observes une troisième chose étonnante. Alors, ta journée aura été plutôt intéressante. Au niveau d'un arbre, pas très loin, tu vois quelqu'un grimper aux branches et visiblement espionner au-delà du mur de la sacristie. Quelqu'un de très petite taille. Ok, je voudrais m'approcher très très discrètement. Ok. Je vais te demander un test d'agilité. Stealth. Je vais pas te mettre de malus avec les mécanismes, parce qu'il y a pas mal de bruit ambiant, donc... Mais je vais par contre faire un test d'opposition. Ok. Deux réussites, mais deux têtes de mort. Ok, heureusement pour toi, ça passe. J'ai fait qu'une réussite sur 5D. Donc tu t'approches assez discrètement et t'observes. Il s'agit d'une espèce de jeune fille qui doit avoir peut-être une dizaine d'années tout au plus, je sais pas trop. Elle semble regarder au-delà du mur. Je sais pas ce qu'elle fait là. Elle est, elle est comment? Elle est vraiment agrippée. Ouais, en fait, elle a grimpé dans l'arbre et elle est assise sur une, enfin, debout sur une branche. Elle se tient au niveau du tronc avec un bras et de l'autre, elle masque le soleil qui semble la gêner et essaye de regarder au niveau du terrain et peut-être à l'intérieur à travers les vitres. Ses vêtements sont assez miteux, c'est presque des genres de haillons. Très sale. Bonjour. À ce moment-là, elle a presque un sursaut et elle te regarde avec un air vexé. Je peux t'aider? J'arrive pas à descendre. Ouais, bah, je peux t'aider à descendre si tu veux. Qu'est-ce qui me dit que t'es de confiance? J'habite ici. Je connais pas. J'ai jamais vu un juge dans les parages. T'es main, toi? J'ai jamais vu un juge, d'ailleurs. Tu sais ce que c'est, en vrai? T'es le type qui a massacré l'autre, là? On a dit qu'il y avait un gars qui avait éclaté le crâne d'un autre gars. Les nouvelles vont si vite que ça? À Saint-Chenil, ouais. Mais du coup, raison plus pour ce que je reste là-haut et pas que je te fasse confiance. Tu veux m'écraser le crâne, c'est ça? Est-ce que tu as tué quelqu'un dans les quelques années qui ont composé ta petite vie? Non, mais je pourrais peut-être le faire un jour. Beaucoup sont amenés à le faire. La question, c'est si jamais c'est dans le cadre de la loi ou pas. Peut-être bien. Comment tu t'appelles? Et tu crois que je vais te dire mon prénom en plus? Pour que tu puisses mieux me retrouver? Non, t'inquiète pas. De toute façon, je ne crois qu'aucun enfant n'a jamais été condamné à une quelconque peine capitale. Ça se voit qu'on n'a pas dû grandir au même endroit. Bon, allez, je te laisse, faut que j'y aille. Toi qui aurais déposé des trucs. J'ai rien déposé du tout. Tu serais pas de l'orphelinat par hasard là Je parle pas au juge. C'est comme tu veux. Et pour 5 dinars. Donne les dinars d'abord. Tu veux. Tu donnes 5 dinars. Tu lui files les dinars? Ouais. Ok. Tu vois, elle les récupère assez rapidement. Elle fait... Ouais, je suis de l'orphelinat, mais justement, faut que j'y aille. Si jamais ils se rendent compte que je suis absent trop longtemps, ça va mal se passer pour moi. Et elle s'en va. Elle saute de la branche sur une espèce de petit mur à côté. Elle se rattrape comme elle peut. Et elle se glisse de l'autre côté pour partir. J'aimerais dans ce cas-là reprendre le reste du groupe qui a sans doute rejoint la sacristie depuis. Enfin, peut-être pas depuis, je veux dire, Jacquard sans doute rentre, se pose un peu, a peut-être réfléchi à ce qu'il vient de voir, se demande si pourquoi est-ce qu'on a envoyé quelqu'un espionner la sacristie. Ou si la personne y allait d'elle-même. Et vous autres, vous arrivez au fur et à mesure, par petits groupes, comme vous voulez. À l'intérieur, vous n'avez que Dali, Gérard, lui, n'est pas là. Et Dali, elle, s'occupe de remettre les choses en état, et mine de rien, petit à petit, ça commence à prendre envie. L'endroit, voilà, comme je disais, fait beaucoup plus neuf, enfin, pas neuf, mais je veux dire, voilà, mériterait des réparations, mais franchement, là, ça commence vraiment à être sympa. Elle a récupéré du bois à l'extérieur qu'elle a entreposé. Si Mokoche lui propose un coup de main, elle accepte avec volonté, puisque visiblement, c'est pas de la souci de Gérard que de s'occuper de la sacristie. J'aimerais donc commencer à jouer, si vous voulez, le début de la soirée, tandis qu'on vous sert à nouveau du poisson, si jamais il y a des choses dont vous aimeriez discuter, voire prévoir pour le lendemain. Bien, oui. Moi, enfin, je suppose qu'en fait, au début de soirée, on se met un peu en commun tout ce qu'on a fait, chacun notre... Et ouais, ça me paraît logique, chacun raconte un peu ce qu'il a fait. Par contre, je pense que... Alors, j'aurais bien aimé... j'avais dit que je voulais me rendre au marché, en fait. Ah oui, excuse-moi, oui, vas-y, ouais. Et justement, je comptais y arriver un peu en début de fin de soirée, si je peux dire, en fin d'après-midi, ouais. Quoi. Et je voulais me fondre dans la masse, en fait, concrètement, et un peu comment dire, observer de loin le stand des petites vieilles là. Et bah essayer de les filer. D'accord, donc du coup t'as retiré ton déguisement de juge, on va dire. Ou tu l'as gardé? Ouais, on va profiter. Je vais profiter de mon passage à la sacristie. Tirer. Ok. J'imagine que tu prendras aussi de quoi cacher ton bras métallique. Oui. Ça me paraît logique. Très bien. Alors, tu vas les suivre et tu vas voir en effet qu'elles discutent pas mal. Toute la journée, elles restent postées là. Et elles vont recevoir des clients, leur vendre des trucs. Jusqu'à ce que, en début de soirée, alors il n'y a rien de spécial qui s'est vraiment passé, elles commencent à rattrouper leurs affaires. Elles démontent le stand et rangent les poissons en rable. Il n'en reste pas beaucoup, elles ont plutôt bien vendu. Qui leur servira peut-être à manger pour ce soir. Et se dirige à l'intérieur de Port-Lagagne, pas très loin, au niveau d'une espèce de grande bâtisse. Je vais te demander un jet de nouveau, peut-être de discrétion, pour voir si tu te fais repérer. Agilité, discrétion. Non, pareil, Steph. Avec une difficulté seulement de 2, parce que là, t'es pas activement juste derrière elle, tu prends de la distance. T'es pas habillé bizarrement, machin, il y a de la foule, donc seulement une difficulté de 2. Deux réussites de déclencheur. Oh! Très bien. Donc, non seulement tu te fais pas voir, mais en plus, t'arrives très efficacement à te rendre à un endroit où t'as une superbe vue vraiment sur là où elle se trouve. Tu te mets légèrement en hauteur, mais en plus, il y a de la foule autour de toi, donc t'es pas trop cramé. Tu t'assois et tu les observes de loin. Elles sont là, elles se dirigent à leur niveau. À leur niveau, pardon. Au niveau du bâtiment. L'ouvre et à ta grande surprise, retrouve Lito qui rentre à l'intérieur avec les trois. Bon, rien de plus à dire, peut-être que c'est ce que tu seras, ce que tu es en train actuellement de raconter au repas, tandis que tout le monde écoute attentivement. Lito d'ailleurs n'est pas dévot ce soir. Comme il l'a dit, enfin d'après lui, il a trouvé un nouvel endroit où loger. Il a marché sur tes plates-bandes. Allez, vous les sentez là, les conflits d'intérêts dont on parlait là en... non, mais là vous êtes tous réunis dans la sacristie en train de manger et de planifier. Voilà, on avait fait un petit flashback parce qu'on avait oublié de faire cette scène et puis là on est de retour à. La nuit a commencé à tomber et vous êtes en train de manger tous ensemble et vous. Vous vous racontez, on va dire, vos journées mutuelles pour histoire de vous mettre au courant. Et en plus, vous planifiez peut-être les futures opérations. Pour planifier les prochaines opérations, moi, pour l'instant, j'ai qu'un objectif, je ne sais pas vous. Du coup, c'est de trouver de l'huile de Bordeaux. Et de ce que je sais, ils ont l'air de les vendre très cher. Hein, faut voir combien ça coûte. Et ce qui veut sûrement dire qu'on va devoir aller... peut-être trouver une solution alternative pour s'en procurer, sachant que moi je garde toujours en tête la nuée noire, etc. Donc je sais pas trop ce qu'on va pouvoir décider. J'aimerais savoir du coup qui est partant pour m'aider dans la recherche du coup d'huile pour du coup programmer cette expédition qu'on va aller faire j'allais encore dire Babylone, c'est fou, vers Bayonne. Histoire de... du coup, moi, je vais pouvoir contacter le serveur. Donc, en plus, si vous avez des choses à demander, etc., ce sera le moment. Et de l'autre côté, enfin, je contacte pas le serveur directement, mais en fait, c'est par système de transmission, mais ça, je suppose que ça vous intéresse pas tant que ça. Et ça nous permettra, du coup, de résoudre ce premier problème avec... avec Adonai et pouvoir commencer notre plan de se donner bonne image en aidant, sachant que moi il faut que j'aille le voir, je sais pas si c'est possible ce soir, mais il faut que j'aille le voir pour lui donner les médicaments qu'on a réussi à attraper avec Torik dans un premier temps. Eh bien je vois que personne veut venir avec moi. Non, mais moi je vais venir, je vais venir. Pas te laisser tout seul, petit Flux. Ouais, Bon. moi j'aurais d'autres choses à faire, je pense. Ouais, si ma présence peut s'avérer indispensable, bien faire un effort, mais ah, c'est à vous de me le dire. Je n'ai aucune idée parce que je ne sais pas encore s'il va falloir qu'on passe par la méthode légale ou illégale. Hein. Par la méthode légale, bien sûr. Oui, mais enfin, s'il faut payer 500 dinars pour avoir une seule huile, tu vas comprendre qu'on va passer par l'autre méthode, quoi. Mokosh, tu veux pas venir pour te défouler un petit peu? Au cas où? Je veux bien vous accompagner, oui. Je te sens un Mais... peu stressé, tendu, frustré même. Non, mais je vais vous accompagner, vous inquiétez pas, mais... C'est vrai que j'aimerais, comme Jacquard, éviter qu'on passe par des méthodes trop... qui poseraient problème à notre image. Je le regarde, Mokosh, avec un air complètement ahuri. Mokosh qui dit ça, j'en reviens pas, quoi. Oui, je précise que je dis ça avec aucune passion, ni dans mon visage, ni dans ma voix. Parce que là, Mokosh qui Vraiment, dit... je suis prisonnière de ma situation. Il faut Vous vous rendez donc à Étrange de son Saint-Chenil, c'est ça? image. Non, enfin, moi le soir, oui, je vais aller à Saint-Chenil, D'accord. mais sinon, non, le lendemain, Ah, moi je retourne. lui, il Là, me semble que c'est surtout, pour le marché d'Arcadia, on y vient. je retourne à l'hôpital, À moi. l'hôpital. Très bien. Donc, toi, Toric, en effet, le soir, tu te diriges en direction de l'hôpital. De ton côté, Flux, tu vas donner les médicaments, c'est bien ça, c'est ce que je voulais demander. Ouais, parfait. Oui, c'est exactement ça, oui. Je vais faire la scène rapidement, je vais pas tout redécrire. Simplement, lorsque tu arriveras au niveau d'Adonai, qui semble être vraiment nuit et jour là-bas, il te reprochera. Déjà, tu vas traverser une espèce de flaque de sang séché à peine au niveau de l'entrée, et tu subiras son regard accusateur, pardon, qui te reprochera de prétendre apporter la paix et pourtant ramener la mort. À ce moment-là, il fait Bien. référence à ce qui s'est passé avec Jacquard, si tu n'étais pas au courant, du coup c'est l'occasion. Malgré tout, lorsque tu lui tends les médicaments, il semble assez surpris, lui, que tu lui aies vraiment apporté un premier échantillon, même si c'est pas ce qu'il attend vraiment. Enfin, évidemment, j'imagine que tu lui parles du fait que tu es sur le point de tenter de trouver la caisse qu'il avait commandée. Il a l'air surpris parce que finalement, en fait, lui, il avait pensé que tu étais juste venu pour chercher le fameux type et que tout le baratin que tu lui avais dit le matin même, c'était bah, justement des mensonges. Du coup, il semble étonné que tu sois vraiment de bonne foi par rapport à ça et te remercie. C'est la première fois que tu l'entends remercier quelqu'un. En tout cas, t'es pas remercié le matin même quand tu lui avais proposé de l'aider. Aussitôt se dirigera vers certains des malades, sans doute les cas les plus critiques pour tenter de les sauver. Alors que tu rentreras au niveau de la sacristie rouge, tu auras quand même enfin l'étrange sensation d'avoir l'impression d'être suivi. De temps en temps, tu entendras quelques bruits derrière toi, et lorsque tu te retourneras, tu verras simplement quelques pierres rouler sur le bas-chemin. Alors, est-ce que c'est un animal ou la gravité qui les fera bouger ainsi? Est-ce que c'est l'endroit en question qui entraîne cette espèce de paranoïa ambiante? Ça, t'en sais trop rien. Le cas est que tu arrives au niveau de la sacristie. Est-ce que quelqu'un avait prévu faire autre chose rapidement, ou est-ce que tout le monde s'est juste a juste commencé à se reposer, à se préparer, à aller dormir? Bon, je prends l'option dormir. Ok. Jacquard? Non, je pense que je vais me coucher. Très bien. Donc, Efflux, tu trouveras Gérard qui visiblement est rentré. En train de dormir, Dali également, elle sur son petit coin. Jacquard aussi est posé là et tu prends ton coin aussi. Mine de rien, Bah, t'as j'aimerais. assez à te poser un peu plus. Oui, vas-y. Bah, j'aimerais juste profiter que tout le monde dorme Pour et laisser. d'être après de m'être assuré que tout le monde dort bien. pour pouvoir me relâcher un peu et aller faire une toilette tout simplement. Okay. Profitant de l'absence de regard pour être plus apaisé sur ce point-là. Ok. Tu te rendras dans, du coup, au loin. Alors, du coup, j'imagine que tu ne mets pas. Tu restes dans la sacristie ou du coup tu sors dans le jardin en te mettant par exemple derrière un peu, on va dire, un angle mort Je sais pas du tout comment on prend notre toilette habituellement en fait. D'accord, oui. Bon, dans ce cas-là, je propose qu'on le précise pas, on en reparlera un peu plus tard, c'est pas la peine de se prendre la tête. Ouais. Bon, tu fais ta toilette ouais. Et tu vas te coucher. Moi, ce que j'imaginais simplement, c'était avec un gant que tu humidifiais et que, voilà, en retirant tes parties d'armure une par une. Voilà. Vous allez donc vous endormir et rentrer dans un profond sommeil. Ça vous fait du bien de vous poser un peu après toutes ces journées de marche. D'ailleurs, je l'ai pas précisé. Il est temps de le faire. Vos montures et la moto, donc Abby, ont été ramenées à la sacristie. Hein. Les montures sont accrochées à la sacristie. Et j'imagine que Mokosh aura posé sans doute la moto dans sa chambre, parce que c'est un peu plus de valeur qu'un cheval et ça se vole plus facilement. Ouais. Bon voilà, vous les avez pas laissés à l'entrée de la ville depuis 2 jours. Mais en l'occurrence, voilà, vous avez fini de voyager, vous vous posez. Ça vous fait du bien de souffler un petit peu. Du coup, a priori, dans les prochains jours, il se pourrait que vous fassiez une première expédition dans les marais. Vous allez voir ce que ça donne. Et, tandis que vous dormez, une personne parmi vous sera réveillée par un étrange bruit dans sa chambre. Et il s'agit de toi, Mokosh. En effet, face à toi, tu vois la silhouette d'une petite fille qui doit avoir une dizaine d'années, des cheveux bruns très secs et abîmés, avec ton espadon dans les mains. Il est beaucoup trop lourd pour elle, alors elle le tient tandis que la lame touche le sol, mais elle semble s'en être plus ou moins saisie. Elle te regarde fixement. J'imagine que je me redresse un peu, juste au moins le haut du corps, quoi, je m'assigne. Qu'est-ce que tu fais là ? T'as reçu mon message ? On me dit pas que vous l'avez perdu. C'est bien pour ça que t'es là. Quel message ? Jamais faire confiance à ces putains de résistants. J'ai payé un type, quelqu'un qui vous amène une enveloppe dans laquelle j'avais mis un... Ah mais... Il a du tout gardé pour lui, cet enfoiré. Oui, c'est pas grave, je vois de quel message on parle maintenant. Vous l'avez reçu ? Oui. Et alors ? Et... je suis pas sûr de savoir ce que tu me demandes. C'est pas pour ça que t'es là ? Ouais, écoute, je vais te demander peut-être un peu plus clair parce que... Bah, si tu veux, j'ai... C'est bien toi, Mokosh. Je te reconnais, c'est forcément toi. Tu me reconnais d'où exactement ? C'est la brûlure qui m'a montré ton visage. Ces dernières années, j'en prends tout le temps et j'ai vu plusieurs fois et la brûlure m'a dit que tu venais. C'est comme ça que j'ai su que tu serais là. Je suis là. Je pensais que tu viendrais me libérer. Te libérer de quoi ? L'orphelinat, c'est horrible, franchement. Je sais que ma mère était jeune et qu'à l'époque, elle savait pas ce qu'elle faisait, mais c'est vraiment pas un endroit pour un enfant. Et puis bon, vu que la brûlure arrête pas de montrer plein de choses dont toi, je me suis dit que il fallait que ça avait forcément un sens. À ce moment-là, tu vois, elle bouge un peu l'espadon de droite à gauche en se prenant la tête. Tu ferais peut-être mieux de poser ça pour commencer, ça peut être dangereux. Elle commence à essayer, enfin, tu sais, à essayer de lâcher la lame, et à ce moment-là, le mécanisme s'enclenche. Et c'est simplement la lame qui tombe par terre et la poignée reste dans sa main. Et ça fait un jbling. D'accord. Je pense que à ce moment-là, je vais juste me lever directement et aller vers elle pour récupérer la poignée de ses mains, parce que c'est pas le genre de chose. Tu peux le finir, il y a des gens qui ont eu mal à cause de cette poignée. Je sais, je l'ai vu. À ce moment-là, lorsque tu t'approches d'elle, elle fait un pas en arrière. Et enfin bon, c'était très flou et je me rappelle pas très bien, mais je crois avoir vu des trucs. Si, à chaque fois que tu fais un pas vers elle, elle fait un pas en arrière en direction de la porte, tout en gardant ta poignée, t'auras pu ramasser la lame éventuellement. Écoute, te passe, donne-moi cette poignée, et après on peut discuter du reste. Fais-moi un jet de charisme, la négociation. Ouais, je vais devoir commencer à lui parler mal si je vais pouvoir utiliser ma peur. Une réussite et un échec, donc parce que ça. Il me semble qu'il faut faire plus d'échecs pour faire un échec critique. Okay. Donc il me semble que c'en est pas un, mais ça reste un résultat plutôt mauvais. À ce moment-là, lorsque tu t'approches, elle fait cette fois-ci deux pas en arrière, elle est prête à partir en courant. Et elle fait oh, « Non, tu veux pas de moi, c'est ça ?»« Je m'en fous, je te laisserai pas le choix. » Et elle commence à partir en courant avec ta poignée. Non! Je lui cours après. Tu lui cours après. Et vous autres en train de dormir dans la sacristie, d'un coup, vous avez pu être un peu réveillé par un espèce de bruit de métal qui tombe au sol. Et puis, toi, Jacquard, t'ouvres un œil. Peut-être Flux un peu la même. Et Jacquard, tu vois une petite fille courir, celle de tout à l'heure, partir en courant avec la poignée de Mokosh dans la main, suivie genre de très près par Mokosh elle-même. Sans doute du coup habillé, pas en pyjama, mais enfin vous voyez, genre juste un pantalon de nuit, un petit haut, bref, elle a pas toute sa tenue, tous ses bottes, ni rien, en train de lui courir après et traverser comme ça la sacristie. Une fois arrivé dehors, Mokosh, ouais, tu sors de ton lit, tu commences à courir après. Une fois que t'arrives à l'extérieur, Mokosh, t'entends un bruit au niveau des chevaux à côté, et tu vois la petite en train d'escalader l'un des chevals. Pour s'accrocher en fait en haut de la sacristie et essayer de monter sur le toit. Elle est à quelques mètres devant toi, elle a un petit peu d'avance, mais pas plus que ça. En fait, elle est très très vive, très rapide. je vais essayer de me jeter dessus de mon mieux. S'il faut que je l'attaque. Fais-moi un jet d'agilité. Agilité, mobilité, je crois. Okay. Ouais, c'est sa mobilité. Oups. 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Normalement, elle est foutue. Mais je l'ai écrasée. Ouais, mais malheureusement, ça ne suffit pas. J'ai fait mieux. Elle est très agile. Et tu te jettes sur elle, et elle est déjà sur le toit. Alors, bon, t'as fait un bon jet, donc je te fais pas faire des jets d'escalade en plus. Tu commences à monter à l'étage. Tu sens éventuellement à un moment une espèce de coup de pied sur tes doigts. Derrière toi, en dessous, t'entends Jacquard qui débarque. Je sais pas, c'est Flux, ce que tu fais, toi. Oui, bah je suis paniqué. Ok, tu suis aussi, donc il y a tout le monde qui commence à se réunir. Peut-être éventuellement même Flux qui t'éclaire pour essayer de t'aider à te repérer. Je suis en train de réaliser, mais en fait, je vais clairement mettre ce musique. en vrai, je sais pas, c'est pas vraiment une scène de combat, mais c'est une scène d'action, c'est la première scène d'action. J'en profite. Du coup, c'est la cohue complète. Il y a Mokosh qui court derrière, suivi du coup de près de Jakar et Flux. Vous êtes tous placés en dessous, vous voyez Mokosh en train d'escalader la sacristie, de s'accrocher aux prises qu'elle peut trouver, tandis qu'une silhouette en haut semble courir sur le toit. En bas, vous avez les gens qui sont réveillés en entendant du bruit sur le toit, et qui commencent à se réveiller également. Mokosh, j'étais quand même te demander de me faire un deuxième jet d'agilité mobilité. Deux réussites dont un déclencheur. Et tout qui est passé dans la montée. Deux réussites dont un déclencheur ? Ok. Oui. Ok, malheureusement ça suffit pas. Tu vois, tu te lèves, tu t'escalades et tout, t'es moins agile que dans tes souvenirs, t'as quelques vieilles blessures aussi qui te font mal, et tu mets un certain temps à monter, t'as peut-être éventuellement quelqu'un qui va venir te supporter en bas pour essayer de faire presque la courte échelle. T'arrives finalement à te hisser en haut, et la retrouves bloquée au loin, en fait, au bord du toit. C'est super haut, elle peut vraiment pas sauter, enfin, ou alors elle est vraiment timbrée. Malheureusement, elle n'a aucune prise supplémentaire. Tu la vois, elle est de dos, presque immobile, tu sais pas si elle hésite à sauter ou pas. De l'autre côté du toit, du coup, qu'il faut que tu traverses. Ok. Eh bien, je vais faire quelques pas dans sa direction et je vais lui dire écoute, t'as nulle part où aller, rends-moi juste mes affaires et on va discuter du reste. À ce moment-là, tu l'entends respirer quelques instants, tu vois, elle a toujours ta poignée dans la main. C'est d'accord. Et puis... De toute façon, à ce moment-là, elle se retourne dans ta direction. Et tu observes avec horreur, tatouée sur son front, l'esquisse de trois lunes similaires aux tiennes. On fait partie de la même famille maintenant ?